Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode numéro 3. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Vous pouvez nous écrire à notre adresse email pour nous faire parvenir des informations diverses, des liens d'articles, des précisions, des questions que vous auriez éventuellement, ou aussi, on en est très friand, des courriers des lecteurs. Écrivez-nous à l'adresse suivante. Démocratie Participative, en un seul mot. Pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je répète, démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je vous invite aussi, si vous aimez ce qui est produit hein, au cours de cette émission ou bien le reste du temps sur notre média, à participer financièrement par des dons exclusivement en crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum et Monero. On recommande plutôt Monero, mais n'hésitez pas si vous aimez ce que l'on fait, comme je l'ai dit, parce que vous vous doutez bien que des gens que nous ne nommerons pas veulent voir notre initiative démocratique disparaître hein, du champ médiatique francophone. Donc n'hésitez pas à vous manifester. Oui aussi, le podcast sort chaque lundi. La version PDF sort chaque lundi, version hebdomadaire. Je vous invite à la partager avec vos amis, par email notamment, hein, n'hésitez pas, hein, c'est très léger à partager, donc vous pouvez le faire. Donc maintenant j'ai fait à peu près tous nos rappels, je vais maintenant présenter les différents participants de cette semaine. Je vais commencer avec Fulbert, qui est avec nous comme toujours. Salut Fulb. Bonjour Gandalf et bonsoir à tout le monde. Il est temps, Fulbert, que ta cave avance, car j'ai une longue, longue liste de clients à te soumettre. Et j'aimerais que ça aille plus vite. Bah oui, mais je prends de l'âge, hein, et plus aussi rapide que dans le temps. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, précisons quand même pour ceux qui ne comprendraient pas que la cave de Fulbert n'a pas les dimensions que vous pourriez prêter à votre cave à vous. Hein. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que votre cave. Hein. Mais bon, un jour peut-être des photos. C'est à voir. Est aussi avec nous cette semaine Popovic. Content de t'avoir avec nous, Poro. Shalom aleikoum à tous. De retour. Je dis bonne année, parce que je crois que c'est la première émission de l'année à laquelle je participe. D'accord. Alexis, est aussi avec nous cette semaine. Salut Alex. Salut Gandalf, salut à tout le monde. MacDav nous fait le plaisir d'être avec nous aussi. Salut MacDav. Ave les amis. Ave. Captain America, toujours fidèle au poste. Salut Captain. Eh oui, en direct de Nagano. Non, je plaisante, je suis toujours à Guingamp. Bonjour tout le monde. En avant Guingamp, en avant les nègres. En avant les nègres. En avant les nègres. Et Derek est aussi avec nous cette semaine, bien évidemment. Notre rayon de soleil, Derek. Oui, enfin bon, on n'exagère en rien non plus. Mais je suis là. Non, mais je veux dire, géographiquement, notre rayon de soleil. Ouais, bah non, il fait une tonne de merde. Ah. Bon, bah j'ai rien dit, alors. Alors, comment dirais-je ? Bah, commençons cette émission avec une rubrique traditionnelle, hein, même si des fois, on n'a pas toujours des courriers des lecteurs. Cette semaine, on en a un, courrier des lecteurs. Et je vous le livre tel quel. Cher Gandalf, je tenais à vous faire part, vous qui êtes également grand mage, certes, il est vrai, Des impressions que j'ai pu ressentir lors d'une récente visite entreprise en compagnie d'une amie au mémorial de la Shoah à Paris. Nous étions en train de visiter le quartier du Marais et avons pensé qu'il s'agirait d'un agréable moment d'aération et de divertissement. Quelle ne fut pas notre déconvenue ? Alors déjà, oui, là, je suis un peu troublé par la remarque. Marais, juif, et là... Il est bien situé, par contre, le musée de... Oui, ça, c'est pas mal foutu. La première chose qui frappe en y arrivant, c'est l'immense inscription murale, visible de tout le quartier, laquelle est surmontée du sceau de Salomon, est-il besoin de préciser que ce symbole a été également emprunté, avec des mots tels que « Incline ton respect devant le martyr juif ». Propos qui semble venir du dieu tyrannique Yahvé. Au fur et à mesure de la visite de ce musée, et le mot est un peu fort, au vu de la seule exposition de quelques photos, facsimilés et affiches de propagande contre-juive, ainsi que vous le dites justement, en fait on dit contre-sémitique. C'est contre-sémitique. Il n'y a pas d'antisémitisme, il y a un contre-sémitisme. Voilà, ça c'est vrai que c'est une... Oui, on défend ce principe-là, enfin cette idée-là. Alors, ainsi que vous le dites justement, nous avons été progressivement pris d'un vif malaise, lequel s'est accentué au moment de pénétrer dans une salle constellée de portraits de juifs morts dans ses camps. Aucune impression de paix ne s'en dégageait, mais un très vif sentiment hypnotique, presque un envoûtement. C'était comme si l'âme démoniaque de ces tyrans survivait ainsi. J'ai eu l'impression de descendre dans les abîmes du mal, ça sentait le soufre. Lors de notre visite, qui n'a pour durée que 15 minutes, nous avons pu croiser pas moins de 3 salles de classe constituées de jeunes de toute la France, qui étaient traînés de force à l'occasion d'une visite de la capitale sans véritablement se sentir concernés, voire en affichant un air presque amusé. Ce musée est une emprise d'enjuivement à grande échelle. Preuve en est la présence de rangées de casiers, prévues à cet effet près de l'entrée, pour que les jeunes personnes puissent y déposer leurs affaires. En sortant, alors que nous commencions à retrouver nos esprits, nous avons constaté une longue file d'attente d'hommes seuls se rendant dans un dispensaire du type AIDS, AIDS pour dire SIDA, je présume en anglais, mais je ne sais pas exactement ce que veut dire cet acronyme, et qui visiblement venaient consulter pour commencer leur traitement PrEP. Alors, je m'arrête brièvement, on en a parlé, la PrEP, c'est un traitement, oui, Éric, vas-y, explique peut-être, oui. Ouais, là, c'est le machin que prennent les PD pour pouvoir faire leur saloperie sans choper le sida. Donc, en gros, il faut qu'ils prennent un truc... Et sans capote. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est tous les mois ou toutes les semaines ou tous les jours. Enfin, bon, bref. Et donc, oui, le truc à IDS, effectivement, c'est le centre des sidaïques. Oui, d'accord, traitement donc... que le cis-hétéro paye 1 500 € par jour. Ah. Et d'ailleurs, juste pour la petite histoire, on trouve cette propagande pas que dans les musées à juifs embaumés, mais également dans les salles de sport. Dans la mienne, j'ai juste à côté de la douche une petite pancarte qui dit « Pense à ta PrEP ». Voilà, je suis toujours pas pédé, donc je vois pas pourquoi. Ah, je croyais que tu fréquentes de sacrées salles de sport, toi. Je croyais qu'il y avait une petite affiche par rapport aux douches, attention, si elle fait trop chaud, cassez le petit carreau. Pas de doute, ce qu'il a manqué à Auschwitz, ce ne sont pas seulement plus de, je ne peux pas citer ce qui suit, mais des prêtres pour exorciser ces démons. J'ai oublié de préciser, et je m'en excuse, que c'est mon amie qui m'a demandé de sortir comme prise de panique. En sortant, elle m'a pourtant assuré avoir visité plusieurs mémoriaux sans jamais ressentir une telle gêne, et alors qu'elle n'est que modérément judéo-sceptique. C'est d'ailleurs ce qui m'a motivé à vous écrire, principalement. PS, je dédicace ce témoignage, à Aloïs Brunner, signé Herman. Qui veut réagir à ce truc-là ? Ouais, bah franchement, grand courage à ce monsieur hein, pour avoir osé foutre les pieds là-dedans. Personnellement, j'y serais jamais allé, enfin peut-être accompagné d'un prêtre exorciste, mais... Et encore. Ben moi je comptais y aller la dernière fois que je suis allé à Paris, mais j'ai pas eu le temps malheureusement. Mais c'est la prochaine fois. J'ai le choix. Parce que s'ils ont besoin d'un exorciste, je suis là. Oui, ils appellent ça mémorial, mais c'est un musée, on est d'accord. Oui, toi, tu voulais y aller avec des molotovs dans le sac à dos, Derek. Non. Non. Juste pour m'imprégner du truc et puis. Voilà. Alors, il y a une effacer toute cette mauvaise énergie. C'est Vincent. Oui, c'est ça, parce que c'est ça le fil conducteur du message de notre auditeur. C'est le malaise. Hein, c'est le voilà. Il se rend dans un mémorial. Bon, je présume qu'il est il est antisémite, hein. Mais bon, il va dans un devant le martyr juif. Voilà, oui, voilà. Déjà, ça commence comme ça. On vous intime quelque chose. Ça commence comme ça. Il y a une autorité qui vous tombe dessus. Comme ça. Donc déjà, il y a la volonté de vous dominer, de vous écraser. Déjà, ça, c'est frappant comme phrase. Et il fait un rapprochement avec Yahvé, quoi. Hein, les révélations de l'étape de la loi. Il y a un peu cette idée-là. Hein. Voilà, c'est écrit en grand, c'est une proclamation et c'est un ordre et ça vous tombe dessus, ça vous écrase. Voilà, ça commence comme ça. Vincent Raynoir, je crois que c'est Vincent Raynoir, a fait je crois qu'il a parlé de ça, il a fait des articles là-dessus, ou des vidéos là-dessus, sur l'esthétique des mémoriaux de l'Holocauste. Est-ce que vous avez vu ça? Non? Jamais? Non. Qui s'arrête sur l'esthétique, en fait, de ce type de lieu. Alors, de toute façon, genre, c'est pas la peine d'avoir vu la vidéo de Vincent Raynoir, mais c'est intéressant. Si vous prenez Yad Vashem, donc ça c'est en Israël, si vous prenez le fameux mémorial de Berlin, par exemple, vous voyez que il y a quelque chose qui... surtout, Yad Vashem, c'est très très, très fort. On est dans ce qu'on appelle le ktonien. C'est souterrain, c'est un lieu souterrain. C'est noir, c'est sombre. Je sais pas si vous avez fait attention à ça. C'est une cave, c'est une sorte de grotte, vous voyez. Et vous avez une petite flamme au milieu comme ça qui brûle, mais l'ambiance générale est d'un glauque. Et en fait, on rentre dans les entrailles de la terre, vous voyez. Et c'est pas du tout un dieu lumineux, c'est pas du tout quelque chose qui vous attire vers quelque chose de plus, je sais pas, de plus. Oui, je dirais de lumineux tout simplement. Quelque chose de plus lumineux, de plus apaisant, de plus... Voilà, une touche peut-être de... C'est de transcender ce que eux disent être le drame des drames, hein, voilà, mais bon, en restant dans la narration officielle, d'essayer de transcender ça par quelque chose, je veux dire, une note d'espérance. Mais eux, pas du tout, hein, on reste dans les ténèbres, dans le lugubre, on tourne en rond dans le lugubre, comme ça, on se complaît à être dans l'angoisse. Et ça ressort dans l'esthétique qui est choisie. Si vous regardez aussi les types de statues qu'ils font pour ce type de monument, ce sont toujours des êtres difformes, complètement filandreux, avec des têtes, je sais pas comment les décrire, si vous voulez, mais... Oui, c'est un peu des ombres. Un peu comme des soldats en plastique fondu, c'est cadavérique, c'est inhumain. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Et alors, c'est une esthétique qui, à mon sens, témoigne bien, beaucoup plus en fait, témoigne plus de l'univers psychologique juif. Que des faits qui sont censés être remémorés dans ces lieux-là, me semble-t-il. Et je crois qu'il y a vraiment la volonté de rechercher le malaise. Le but est de communiquer le malaise. C'est pas du tout de... Et alors là, évidemment, pour un Européen, pour un homme blanc, c'est complètement improbable, un truc comme ça. Il y a beaucoup de comme d'ailleurs c'est dit dans la lettre, hein, enfin dans le courrier, il y a beaucoup de mémoriaux sur des choses graves, lourdes, enfin je veux dire sur des tragédies humaines. On peut prendre par exemple en France la Première Guerre mondiale, par exemple, quoi, hein, où il y a eu beaucoup de familles qui ont souffert de la Première Guerre mondiale, qui ont perdu des enfants, des pères, etc. Ouais, mais ils n'étaient pas juifs. Oui, voilà. Non, mais je veux dire, les mémoriaux sont des mémoriaux. Je veux dire qui sont des mémoriaux d'équilibre. Ce sont des mémoriaux aussi qui essayent, somme toute, de donner un sens relativement positif à cette tragédie en disant voilà, ils sont morts pour la France, par exemple. Bon, il y a cette idée-là quand même de transcender la douleur par quelque chose qui n'efface pas l'espoir, quoi. Et ça se voit dans l'esthétique, etc., qui peut avoir une esthétique assez tragique, d'ailleurs, hein. Vous savez, des soldats qui sont, par exemple, des soldats étendus, morts, ou alors des mères de famille éplorées, mais toujours avec une pudeur. Vous pouvez voir ce type de statue-là. Mais c'est très, très différent de l'esthétique de ces lieux-là, et pour moi, ça dit tout. Ça dit tout. C'est aussi ce qu'il dit, et c'est ce que j'ai dit au début de mon propos, c'est qu'on veut vous communiquer ce malaise. Vous êtes censé vous identifier à ce malaise. Hein. C'est ce qu'on attend de vous, hein. Or, là, pour moi, il y a une incompatibilité psychologique fondamentale, parce qu'on n'a pas du tout le même rapport d'abord à la mort, à la façon dont on exprime un chagrin, une tristesse. Et pour moi, c'est pour ça que la religion de l'Holocauste, outre le fait qu'elle repose sur du sable, ou des cendres, ça dépend, ne peut pas en fait s'enraciner profondément dans la durée, c'est-à-dire au-delà des siècles, au sein des peuples européens, c'est strictement impossible. Pour cette raison. Quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus, dire quelque chose parce que peut-être que certains d'entre vous ont dû faire des séjours, vous savez, à Dachau, à Auschwitz, c'est très à la mode ça depuis une vingtaine d'années. J'ai pas eu cette chance-là, malheureusement. Ouais, j'ai des amis qui l'ont fait à l'école. Le voyage en Pologne est devenu un rite de passage chez les jeunes goy français, malheureusement. Alors moi, ça me fait penser à un documentaire qui a été fait par un juif, je crois. J'ai oublié son nom. Le documentaire, c'est pas Defamation, c'est un autre nom. Où il filme, donc le réalisateur juif, un groupe de jeunes Israéliens qui vont en compagnie des services israéliens à Auschwitz, et tu les vois visiter le truc. Alors effectivement, c'est glauque. Et tu sens bien que tous les adultes autour d'eux les forcent à pleurer. Et alors, quand le petit juif se met à pleurer, c'est un torrent de larmes, ça ne s'arrête pas. Et c'est très drôle, en fait. Enfin, moi, j'ai trouvé ça particulièrement marrant. C'est comment ce reportage? J'ai oublié son nom. Oui, je l'ai vu aussi. Une petite anecdote sur ce reportage, c'est qu'à un moment donné, ils sont encadrés par un militaire. Je crois que ce sont des Israéliens, d'ailleurs. Ils vont en avion, etc. Et donc celui qui les encadre les réunit à un moment donné un soir, la veille, je crois, avant qu'il visite Auschwitz. Il leur dit, vous savez, on arrive ici à l'hôtel, mais vous savez, les Polonais sont encore vous approchez de la fenêtre, les Polonais vont probablement vous jeter des pierres qui pourraient être mortelles pour vous, donc ne vous approchez pas des fenêtres. Je me souviens extrêmement bien de ça. Mais il y a effectivement, il y a tout un côté morbide. C'est vrai que c'est très particulier parce que bon, dans le christianisme, on est quand même une terre imprégnée de christianisme, même si aujourd'hui peu de gens sont pratiquants. Bon, il y a tout de même quelque chose qui est connu, c'est que la résurrection du Christ, quoi, après la crucifixion, donc il y a l'espoir, normalement, la vie après la mort. Quoi. Mais chez les Juifs, c'est quand même complètement différent. Hein, on pourrait citer plein de choses. N'oublions pas, par exemple, Monsieur Sarkozy, notre cher ancien président bien-aimé, qui voulait que les enfants de CM2 soit le parrain d'un enfant mort de la Shoah. Oui. Vous savez de cette histoire? C'est oui, quand même très très particulier. J'aurais jamais eu cette idée, même dans mes cauchemars les plus fous. Bah, tu n'es pas juif. Oui. C'est-à-dire qu'il y a, un goût du mac. Les gens doivent se détromper sur. Doivent se défaire de cette idée que les juifs seraient sincèrement affectés par l'Holocauste au sens où on l'entend traditionnellement. Pour les juifs, l'Holocauste, en fait, c'est. Terreau sur lequel, c'est leur nourriture. Ce sont des gens ce sont des gens qui sont travaillés par le cannibalisme. Ils mangent leur propre mort. Il faut bien comprendre ça. Nous, par exemple, en Europe, s'il y a des tragédies, Dieu sait qu'il y en a eu. Bon, il y a une période de deuil, etc. Bon, il y a tout. Mais à aucun moment, il y a ce besoin compulsif. De rester ressasser les tragédies, les morts, le lugubre, le voilà, chez eux c'est absolument fondamental. Et du coup, oui, c'est pour ça que vous voyez, il y a une chaîne juive par excellence en France, c'est Arte. C'est la chaîne juive par excellence, hein. Je veux dire, c'est, alors toutes les chaînes sont juives, si vous voulez, mais elle, c'est pratiquement officiel, quoi. D'ailleurs, je crois qu'il y a Bernard-Henri Lévy dans le conseil de surveillance, et de toute façon, les juifs pullulent sur cette chaîne, c'est typiquement la chaîne de la gauche juive, hein, Arte. Bon. Et c'est la chaîne de la religion de l'Holocauste. C'est-à-dire, je crois pas, détrompez-moi, mais il n'y a pas une semaine qui passe sur Arte sans qu'il y ait un truc sur l'Holocauste, la Deuxième Guerre mondiale, etc. Pourquoi ? C'est pas parce que vous avez des goyes qui sont, particulièrement soucieux de cette période, c'est parce que vous avez des juifs à tous les étages dans cette chaîne. Donc, ils parlent de ce qui les intéresse, c'est-à-dire de cette fascination morbide et macabre pour ce qu'ils pensent être l'Holocauste. Hein, alors, avec toujours cette emphase, vous parlez, tu sais, tu parles à un moment dans ce que tu cites, ton exemple, là. Tu dis, en fait, ils disent, ouais, dehors, les Polonais vont leur jeter des pierres, méfiez-vous, etc. Donc, il y a aussi cette fabulation, ce goût de la fabulation, ce goût de l'exagération, du délire, hein, c'est du délire collectif. Hein. Donc, il y a besoin d'en faire beaucoup, et il faut alimenter le délire. Alors, sur Arte, ce qu'ils aiment bien faire, vous savez, c'est des sous-sujets, dans des sous-sujets, du sous-sujet, du sujet principal. Alors, ils vont trouver, je sais pas, vous voyez, un petit peu comme en histoire aujourd'hui, je pense que ceux qui ont fait des études d'histoire le savent, vous savez... La réparation des chaussures dans le camp d'Auschwitz. C'est ça, voilà. Ouais, voilà, ouais. 1942-1943. Voilà, c'est ça. Et alors, du coup, ils vont vous trouver des trucs en Pologne, en Tchécoslovaquie, une histoire d'amour. J'ai encore vu un truc récemment, je sais plus ce que c'était, c'était cette semaine. Hein. Ça m'est tombé sous les yeux, comme ça, encore une histoire sous l'Holocauste, alors, le truc, le machin. Ça n'arrête pas. Et il faut bien comprendre que c'est leur véritable religion. Hein. Mais c'est une religion prosélyte, on a probablement eu l'occasion de le dire, et tous les goïms, et plus un pays étant juivé, plus ça se ressent, tous les goïms ont vocation à croire et à observer les rites. Donc en fait, quand vous voyez des musées, des mémoriaux, des machins, des statues comme ça, ce ne sont pas tellement des musées ou des mémoriaux, ce sont des lieux de culte. Hein, d'ailleurs, Vincent Renoir en parle très bien, je trouve, mais Robert Forisson en a eu parlé aussi. Enfin, ça, c'est un sujet à côté en fait, de l'Holocauste en lui-même. Hein. C'est plus ce qui a découlé du prétendu Holocauste. Et on est là-dedans, quoi. Et je ne suis pas du tout surpris avec ce courrier-là de voir que, voilà, quelqu'un, un Français, quoi, lambda, dit, tiens, allez, je vais jeter un œil, je vais voir ce qu'on y voit. Et même avoir une amie avec soi, qui n'est pas du tout politique, en fait, et qui n'est même pas tellement antisémite, en fait, et qui voilà, est pris de malaise, parce que le truc, c'est étouffant, c'est angoissant, parce que précisément, c'est entretenu comme climat, quoi. Qui veut rajouter quelque chose là-dessus? On peut d'ailleurs vite fait parler, enfin, je sais pas, de la littérature concentrationnaire ou ou des films. Hein, enfin, je veux dire, parce que c'est sans fin avec ces gens-là. Hein, ça prend mille formes, quoi. Oui. Pour montrer le caractère un peu torturé et maladif, il y a le Ravron Chaya, qui est assez connu maintenant, et francophone. Ravron Chaya avait parlé abondamment des bienfaits de la Shoah. Je cite, hein, ce qu'il a dit. Il a parlé des bienfaits de la Shoah. Pourquoi? Parce que, selon lui, je suis d'accord avec lui objectivement, la Shoah et toute la narration autour de la prétendue, etc., ça a permis de resserrer les liens du peuple juif, dit-il. Et donc, par conséquent, ça permet de faire en sorte qu'ils soient un peuple. Alors que si jamais il n'y avait pas eu ça, ou il n'y avait pas eu cette narration, et ben finalement, il y aurait peut-être des gens qui s'assimileraient. Bon, après tout, la religion juive, bon, il y a peu de gens qui vont à la synagogue, etc. C'est assez ennuyeux d'observer les rites cachers et compagnie. Il faut aller dans les supermarchés particuliers, il ne faut pas manger de sang, sauf dans certains cas, on en a parlé déjà. Mais oui. Voilà, donc, et finalement, c'est la nouvelle religion pour eux, c'est ça. C'est une sorte de religion laïque, et ça s'adresse aussi aux goyim en insistant sur la culpabilité. Parce que c'est ça, nous sommes coupables, indirectement ou directement. Et après, il y a d'autres culpabilisations, hein, les histoires autour des négriers, tout ça, de l'esclavagisme. Hein, mais que, par conséquent, quelque chose qui n'existe pas, c'est que dans d'autres religions, c'est qu'à moi, à ma connaissance, c'est qu'on est là, quand on visite un mémorial de la Shoah, le message subliminal, c'est de dire vous êtes coupable de ça. Et jamais vous n'aurez réparation. Vous pouvez essayer, mais ce sera très, très, très compliqué. Oui, oui, oui, c'est très important. C'est que, par exemple, comparant avec le christianisme, ce que je trouve qu'il y a, j'ai presque envie de dire, c'est une espèce de négatif du christianisme, c'est-à-dire que dans le christianisme, il y a quand même le pardon qui existe et l'espérance. Alors que là, clairement, c'est une culpabilité qui ne peut pas être résolue, qui ne peut pas être dépassée. Donc les goïms sont coupables, ils doivent se prosterner aux pieds des juifs. Merci, au revoir. c'est ça, hein? On a vu aussi récemment, parce que, et alors je dois dire qu'à chaque fois ça m'épate, qui a été le plus en pointe contre la tentative par les Noirs, ou les Nègres devrais-je dire, ou les Arabes, sur l'esclavage pour les Nègres ou sur la colonisation plutôt pour les Arabes, qui a été en pointe pour faire barrage à l'instauration d'une comment d'une institutionnalisation de cette culpabilité-là, enfin supposée quoi. Qui c'est qui s'est vraiment mis en pointe là-dessus? Ce sont les Juifs. Vous aurez qu'à remarquer que dans la presse ou à part d'intellectuels, moi j'ai vu des papiers mais enflammés contre la culture de la culpabilité. Et alors, oui. y compris au plan légal d'ailleurs, en disant voilà, on peut quand même pas condamner des gens qui nieraient, la traite négrière, etc. Les mêmes qui, et je crois que c'est Badinter qui a eu finalement le plus d'audace hébraïque dans cette affaire, c'est parce que lui, il a répondu, on lui a posé la question, donc on lui a dit, qu'est-ce que vous pensez, voilà, sanctionner, je sais plus quoi, la négation de je ne sais plus quoi, la traite négrière, le génocide arménien, etc., je sais plus. Il a dit non, quand même pas, parce que ça empiéterait trop sur la liberté d'expression, etc., donc non, etc., et on lui a posé la question. Mais alors, du coup, pour la négation de l'Holocauste, ah non, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc le juif Badinter dit clairement, si vous voulez, que là il y a une vérité révélée, c'est une religion, hein, et que là, non, c'est-à-dire ça quitte le champ du rationnel, ça quitte le champ de l'institutionnel, enfin ça quitte le champ du débat, pardonnez-moi, et c'est de l'ordre de l'institutionnel, c'est en place, ça ne peut pas être contesté, et on sait pourquoi en fait. Hein. Mais Et c'est comme ça depuis le début, parce que. Les prémices du procès de Nuremberg, c'est que ce qui est su est su, ça s'est passé et il n'y a rien à prouver. C'est-à-dire qu'en fait, les gars sont arrivés, ils ont dit, bon, alors, les Allemands, ils ont tué des tonnes de gens dans les camps, tout le monde le sait, tout le monde est au courant, il n'y a pas besoin de faire la démonstration. Et ensuite, ils avaient ajouté, bien sûr, le prétendu massacre des officiers polonais à Katyn par l'armée allemande, et c'est que plusieurs années après le procès qu'on s'est rendu compte, via des recherches, que c'était les Russes qui avaient massacré les officiers polonais. Et j'ai envie de dire c'est marrant, en fait, ça l'est pas. Mais c'est incroyable de voir que dans un procès de droit international et de droit de guerre, en fait, on ne fait pas un procès légal en fait, puisqu'ils n'apportent pas la preuve de ce qu'ils avancent. Donc on est vraiment, effectivement, comme tu dis, dans une croyance, dans une religion, dans un dogme révélé, ce qui ne devrait pas arriver. Et quand bien même que la moitié du procès ne tient pas, puisqu'en fait, ceux qui étaient incriminés ne sont pas les auteurs du crime, on ne peut toujours pas remettre en question l'autre partie, ce qui ne fait absolument aucun sens dans le droit. Bah, c'était pas un procès. Bon, c'est vrai que ça nous écarte pas tellement du sujet, mais disons que ça élargit la discussion considérablement. Mais c'était un tribunal de. Bon, je vais me permettre quand même cette liberté, un tribunal rabbinique, très clairement, d'esprit de. Animé par un esprit de vengeance de facture typiquement sémitique. Dans ce cadre-là, moi, ça me rappelle un peu le procès de Jésus, quoi. C'est un peu la même chose, hein, le procès de Jésus, c'est la même chose. Hein, si vous lisez les évangiles, c'est exactement pareil, quoi. Hein, voilà. Et ensuite, on escamote. Bon. Mais oui, bah là, c'est oui, tu as bien résumé ça, tu as bien expliqué ça, effectivement. Voilà. C'était un tribunal religieux. Tribunal religieux, voilà. Et bon. Mais mais ce goût pour le lugubre, le macabre, la fascination qu'exerce ce genre de spectacle mis en scène par et pour les Juifs est censé être communiqué au goïm. Ils sont censés y adhérer. Je pense en réalité que très peu y adhèrent parce que très honnêtement, on en a déjà avant même de discuter sur le fond, quoi. Hein, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, etc. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais on n'en a rien à foutre, je veux dire, franchement. Au point de départ, c'est ça. Ensuite, quand on fait une analyse politique, etc., bon, là, on prend la mesure de la cabale qui est montée, des objectifs qui sont visés, etc. Donc là, on s'intéresse au sujet, on étudie, on creuse, on découvre des choses, on démonte. Mais je veux dire, fondamentalement, c'est très clair que les Français n'ont strictement rien à foutre des Maccabées des Juifs. Hein. Il faut qu'ils le sachent. Hein. Enfin, les Maccabées allégués. Qui d'autre là-dessus, sur ce spectacle en question, là, mais spectacle mémoriel. C'est Dieudonné qui avait parlé, je crois, de comment il a dit, de pornographie mémorielle. Hein. Oui, c'est ça. Il n'a pas été le seul. Il n'a pas été le seul. Le terme est tout à fait exact. Oui, c'est... Oui. Pornographie. Oui, j'ai une phrase de Roger Domergue, juif connu, mais aussi révisionniste, qui me revient. C'est, il avait dit, ou il avait écrit plus exactement, « Il existera une ultime forme d'antisémitisme comme résistance à la volonté de faire de la Shoah le centre de la civilisation mondiale. » Je pense que... C'est bien résumé. Ouais. C'est bien résumé. Bon, ben, voilà, pour ces visites funestes. Bon, si jamais vous avez des enfants et qu'on vous annonce qu'ils vont devoir aller à Dachau avaler leur soupe de soumission aux Juifs, bah écoutez, dites qu'ils ont la grippe. Hein. Oui, alors, tout, hein. C'est même le Struthof. Hein. Le Struthof en Alsace, je pense que c'est celui qui est le plus visité pour des raisons géographiques évidentes. Donc, si vous avez, je ne sais pas, moi, un neveu ou un petit frère qui doit aller visiter le Struthof, il faut bien lui expliquer que tout ça n'est qu'en fumage. Je crois qu'on a tout disponible sur Internet maintenant. Donc, Rubrique numéro 2, les amis. Autisme radical. Alors là, c'est le maire de Cognac, Michel Gourinchas, qui s'illustre dans un article qui relate l'affaire de la Charente libre. Gourinchas réagit fermement à des propos indécents durant ses vœux tenus par des gilets jaunes. Propos, alors là c'est le maire qui réagit, hein, il est cité in extenso hein, dans le journal. Propos entendus lundi soir parmi la trentaine de gilets jaunes présents dans la salle de l'espace 3000 à l'occasion des vœux que j'ai prononcés hier soir et des médailles de la ville que j'ai remises. Parmi les récipiendaires, Madame Michèle Jubaud-Denis. Elle est secrétaire de l'ADIF, l'Association des déportés, internés et familles, et travaille avec l'amicale du camp de concentration de Dachau. Après ses remerciements pour la distinction qu'elle avait reçue, elle a rappelé l'horreur des camps de concentration et d'extermination nazis. Et c'est alors qu'une phrase consternante a jailli des rangs des Gilets jaunes. « Et alors, nous aussi on a été gazés !» Sans commentaire, sauf peut-être pour dire l'abject, et que l'indécence s'écrit aussi en jaune. Voilà, c'est le maire de Cognac qui s'exprime. Et ben vous voyez que pour ceux qui nous prendraient pour des fous, des illuminés, vous voyez, des gens qui exagéreront démesurément, comment dirais-je, non seulement l'influence délétère des juifs en France, mais aussi plus spécifiquement la question hein, de la religion de l'Holocauste, ben là vous avez un exemple concret, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une remise de médaille, donc le maire veut dire distingué au nom de la ville, telle ou telle personnalité associative, etc. Évidemment, est présente au milieu de cet aréopage bon, l'inévitable représentante des déportés qui, visiblement, vont... Il y aura des associations de... Très de bien. Ça va être pour toujours, hein, je crois. Hein. Même, je crois qu'au 22e siècle, il y aura encore des associations de déportés. Bon. Tu remarqueras qu'il y a, un maillage. Hein, il y a un maillage territorial. Territorial. Des amitiés avec le camp, oui. L'association de Dachau et d'autres. C'est bien. Oui, qui doit être passablement sous l'emprise israélienne. Mais bon. Non. Bon. Tu vois, quand les nazis seront tous morts, enfin, le peu qu'il en reste, et les révisionnistes, je pense qu'ils déterreront leurs cadavres. Oui, c'est arrivé à un pape jugé anti-pape. Il a été jugé... Enfin, ils ont déterré le corps et ils ont fait son procès. Oui, c'est une pratique que les rouges faisaient très souvent en Espagne aussi. Ah ouais, ça c'est une tendance. Hein, pour le camp de la raison, le camp du bien. Je vais demander à Derek ce qui... Bon, c'est... Bon, c'est un trait d'humour de la part des Gilets jaunes qui est bienvenu quand même. Hein, parce que c'est vrai que moi, on parle de gazage, etc., en Pologne, etc. Ils n'ont jamais été foutus de nous montrer une chambre à gaz. Encore moins. Moi, j'ai rien vu. Hein. Voilà, on n'a rien vu. Ils nous montrent un vieux bunker que les Polonais communistes ont présenté comme étant une chambre à gaz, qui a des portes en bois avec des carreaux. C'est bizarre. Ouais. Bon, ça, voilà. Mais par contre, j'ai bien vu les gazages massifs sur toutes les villes de France. Alors ça, je les ai vus. Et d'ailleurs, oui. Je sais pas si vous d'ailleurs, avez entendu parler de ça. Bernard-Henri Lévy s'était empressé hein, de dire bah, « Vous dites que vous avez été gazé, mais savez-vous ce que cela veut dire d'avoir été gazé ?» hein Savez-vous ce que cela veut dire ? Donc il y a un monopole. Hein, comme le juif, de toute manière, n'aime pas tout ce qui est libre. Tu vois, la concurrence, il veut le monopole. Et bon, mais moi, quand j'ai vu ça, évidemment, j'ai hurlé de rire. Hein, j'ai hurlé de rire. Mais au-delà du rire, tu as quelque chose qui ressort, qu'on voit un petit peu partout, hein, en fait. Hein. Le courrier des lecteurs précédent témoigne. Ce fait rapporté par la Charente Libre aussi, c'est que le pouvoir magique de l'Holocauste sur les consciences blanches est de moins en moins efficace. Et quand tu as des gens qui commencent à faire des. À sortir des blagues comme ça, c'est-à-dire c'est du tac au tac, hein, ça parle de camp, etc. Pof, t'as quelqu'un qui fait une vanne. Je serais les juifs, je prêterais quand même attention. Je pense qu'ils le font, hein, et en témoignent les agitations des nombreux représentants de cette race, hein, sur les différents réseaux. Mais pour nous, c'est une très bonne nouvelle. Ouais, c'est bien observé ça. C'est vrai que oui, on est dans le magique, hein, on est dans le religieux, dans le magique, ça va avec. Et il y a l'interdit, hein, et donc on est vraiment dans un système sémitique, dirais-je, même pourquoi pas dans une théocratie juive, Théocratie hein. juive, oui. Théocratie juive, voilà. Non, il y a des interdits religieux, vous ne pouvez pas parler. Et quand le pouvoir, et ça c'est très intéressant à voir à quel point ces politiciens le savent, c'est que quand ils sont en difficulté, quand leur légitimité politique personnelle est en difficulté sur leur commune, là en l'occurrence les Gilets jaunes viennent, je présume, pour contester le maire, hein, et sa politique locale, je ne sais pas ce qu'il trafique, je ne sais pas qui il représente, hop, l'Holocauste. Voilà, et c'est un peu comme jadis sous l'Ancien Régime, quoi. Voilà, j'agite un abbé, j'agite un évêque, et la plèbe va se calmer, quoi. Non, je crois que la plèbe ne va pas se calmer. Je crois que plus on essaiera de l'admonester à coup de, comment dirais-je, d'histoires de déportation, essayer de faire pleurer le goy sur des histoires dont par ailleurs tout le monde se fout, ça ne va faire qu'alimenter la colère de ce même goy qui va dire: bon, maintenant vous reprenez votre folklore, vous reprenez votre fatras, vous allez déconner avec ça à plein tube tant que vous voulez à Tel Aviv, mais chez nous plus c'est terminé, hein, voilà, c'est maintenant c'est Oui, fini tout ce ce qui cirque, vaut, voilà. enfin, les gens qui nous écoutent, bon, on a déjà parlé, mais c'est quand même un truc qui me tient à cœur. Les gens qui voient le juif tout puissant, tout fort, etc., qui disent, bon, c'est pas possible, ils vont jamais tomber de leur piédestal. Bon, déjà, hein, 109 pays dont le nôtre, dans lequel ils sont fait expulser. Mais quand vous avez comment dire, le pilier de la maison qui commence à se, à se, enfin, qui se fissure, pas qu'il commence à se fissurer, il se fissure, il est bien fissuré. C'est très très très réjouissant, très réjouissant. Oui, puis il y a une suite logique, on sait que ça Ah va. oui, Enfin, bah voilà. oui. C'est pas quelque chose qui est anodin. Ouais. Il y a des, comment dirais-je, il y a des libres penseurs, hein, il y a des gens qui sont des athées de l'Holocauste. Voilà, ça existe. Oui. Et voilà, non, c'est pas parce qu'on leur brandit espèce de gris-gris holocaustique qu'ils vont se mettre à quatre pattes en pleurant, se prosternant devant le juif. Non. Moi, je n'en ai rien à foutre, hein, je vous le dis franchement, hein, j'en ai rien à foutre. Et en plus, c'est faux. Oui. Et l'autre réaction, enfin, l'autre aspect de la réaction du Gilet jaune, c'est de dire il y a une véritable violence policière. Alors, ça, on en a déjà parlé, mais la presse internationale commence à s'y mettre en disant que finalement c'est digne des régimes dictatoriaux, que Poutine n'aurait jamais utilisé autant de violence, etc. Ça m'a été confirmé par des gens de l'étranger qui ont vu des images, qui m'ont dit non, non, non, on ne fait pas comme ça, même en Russie. Et c'est vrai que ça va extrêmement, extrêmement. Alors quand même, 600 000 cartouches de gaz balancées sur les Français. Hein. Attends, combien? 600 000. 6 millions? Ouais, Ah non. j'ai Alors, non, ça, non, attendez, ça approche. Ouais, 600 000 Bientôt. Oui, depuis le 24, enfin le 18 novembre. Hein. À chaque fois, voilà, c'est-à-dire, donc c'est des bon. milliers. Oh la vache. Attends, Donc à mais la c'est fin pas de ça, l'année, c'est que on sera à tu as 6 millions. eu. Non, mais tu as eu, je crois qu'il y a eu presque une cinquantaine de blessés graves, dont beaucoup à la Oh tête, non, beaucoup oula, de on est l'œil. à 100, on a une centaine de blessés graves là. Non, mais à la tête, je parlais. Bon, mais Non, c'est non, oui, une centaine une de blessés centaine, graves. peut-être une Graves, centaine. hein, graves Alors, avec des attends, c'est pas là, mutilés, c'est que etc. tu. Alors, ce qu'il y a de marrant aussi, c'est que tu as même des journalistes qui se font canarder par les flics, Mais ça, on n'en parle pas. Et, bon, ils n'en font pas trop écho. Hein. Tu aurais effectivement des journalistes. Un journaliste qui se prend. Je sais pas, il se prend un coup de matraque en Russie. Ah, liberté de la presse, etc. Mais eux, ils se prennent des coups sur la gueule. Et bon, ça va, quoi. On n'en parle pas. Ben, comment dire. Je crois qu'il y a 24 plaintes. Hein, 24 plaintes de journalistes contre des flics. Hein. C'est quand même pas mal. Hein. Ouais, il y a des procès, ensuite il y a tous les blessés légers, etc. Mais il suffit simplement de suivre des gens. Bon, je sais qu'ils sont. Bon, on en parle assez régulièrement, quoi. Mais comme c'est bien symptomatique et comme il incarne bien, moi, j'aime bien parler de Bernard-Henri Lévy parce que, comment dirais-je, il a tout pour lui, quoi. Je veux dire, c'est quelqu'un, voilà, il porte le juifisme en bandoulière, voilà. Quand il s'exprime, tout est juif. Enfin, c'est drôle, quoi, même. Je veux dire, c'est le meilleur allié des antisémites. Et donc, ce mec-là, c'est marrant de voir à quel point il s'émeut à chaque fois qu'en Iran, il y a un flic qui tape trop fort. Et donc, vous allez voir un Iranien avec une gueule, voilà, il a l'arcade pété, etc. Bon, là, Bernard Lévy va tweeter furieusement en dénonçant la barbarie du régime, des mollahs, etc. Bon, d'ailleurs, qui n'est pas du tout ma tasse de thé, mais bon, c'est autre chose. Par contre, le type n'a rien vu de ce qui se passe en France depuis 2 mois. C'est-à-dire que ça fait 2 mois en France où les flics allument la tête vraiment du kidam dans les rues. Hein, vraiment, hein, à bout portant, même, c'est rapporté assez fréquemment. Ils avaient des blessures horribles qui surgissent. Ils avaient des gamines, on l'a dit assez souvent ici, les gens le savent, qui se font éborgner. Bon, il y en a d'autres qui ont des blessures graves, je ne sais pas moi, qui font des hémorragies cérébrales. Enfin, c'est quand même de la répression extrêmement dure, quoi. Ils ne voient rien. Donc c'est là tout, c'est définitif, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, voilà, cette répression, elle est profondément immorale, mais tous ceux qui l'accompagnent de leur silence, ben précisément par leur silence, se condamnent eux-mêmes, je veux dire moralement. Je veux dire, ça dit tout de ces gens-là, quoi. Et alors maintenant, c'est vrai ce que tu dis, Eric. Maintenant, la presse, mais en fait, la presse commence à parler un petit peu de la répression. Alors, c'est pas du tout parce qu'ils se soucient du bien du peuple, hein, je vous rassure. C'est parce qu'ils ont commencé à comprendre que, à ce rythme-là, d'ici quelques années, pendu à des arbres en France, très probablement. Je crois qu'on en est à peu près là. Ben, c'est ça. Bah, tu te rends compte, ils ont quand même attendu presque 2 mois. Ça fait 2 mois que les gens se font défigurer, quoi. Et il y a des trucs, il y a des trucs. Alors les flashballs dans la gueule, quand même, peut-être que c'est pas terrible, il faudrait peut-être diminuer. Alors t'as tout bon, hein, tu sais, le type qui... l'ancien ministre de droite, hein, voilà. le type qui passe son temps à vouloir importer du nègre partout, donc qui est c'est le défenseur des droits, hein, Jacques Toubon. Là, il a dit, quand même, le flashball, hein, le lanceur de balles de défense, comme ils appellent, voilà, il faudrait peut-être pas trop, non, il faudrait l'interdire quand même. Hein. C'est bien, oui, et quand il a dit ça, tout d'un coup, on a vu des juifs du gouvernement français, dont Attal d'ailleurs, dire que il est trop payé à 30 000 euros. Oui, Nunez, le caniche du caniche de Macron, a dit que c'était pas possible. Voilà, c'est ça, tu vois. Rastapopoulos. Oui. Voilà, ça fait 2 ans que le type, il a la même rémunération. Enfin, plus que ça, parce qu'il était en poste avant, mais je veux dire, ça fait 2 ans que le gouvernement est très à l'aise avec ce dit défenseur des droits à 30 000 euros par mois, et tout d'un coup, depuis qu'il a fait des déclarations, c'est insupportable, il touche trop d'argent. C'est d'autant plus cocasse que c'est effectivement le juif, l'anus juif Attal, qui vient nous parler de gaspillage de pognon. Le type qui est à la tête d'un ministère qui ne sert à rien, qui a été créé juste pour lui, parce que c'est la pute d'un conseiller proche de Macron. Voilà. C'est-à-dire le type, il ne sert à rien, il est payé grassement pendant son mandat, et quand il ne sera plus là, il sera à la retraite. C'est-à-dire qu'il aura 30 et quelques balais, et il aura une retraite à vie. C'est génial, génial. Voilà. Donc ce juif-là se permet de donner des leçons. Cette espèce de petite fiotte juive donne des leçons de dépenses publiques. C'est ça. Les juifs sont... je peux plus. Je ne peux. Philippe se fout de la charité. Bah, Philippe le Bel, hein. Voilà, moi je... Oui, c'est le minimum. Philippe, voilà. Aujourd'hui, Philippe le Bel, c'est le minimum. C'est le minimum. Mais comment dire donc cette répression s'intensifie, et je voulais juste terminer sur ce point avec les journalistes, c'est que en fait ce qu'ils ont en tête maintenant, tous ces... parce qu'il y a beaucoup de juifs hein, dans cette profession, comme vous le savez. L'idée, c'est quand même de jeter en pâture, de livrer en pâture les CRS à la plèbe enragée. Hein. C'est quand même ça. Hein. Voilà. C'est-à-dire que c'est pour ça que moi j'ai toujours dit, enfin, j'ai toujours exprimé mon opinion vis-à-vis des policiers en général, gendarmes ou policiers, que leur attitude loyaliste vis-à-vis du régime Macron était de la folie pure. Parce que ces gens-là seront sacrifiés exactement comme les autres. Je veux dire, quand ça va vraiment chier, ils vont dire non, non, mais nous, on n'a jamais donné ces ordres, c'est des initiatives qui ont été prises au niveau des commissaires divisionnaires, machin. Ils vont raconter n'importe quoi. Il faut avoir conscience de ça. Et ces journalistes-là, maintenant sous pression depuis 2 mois, qui ne peuvent, dans certains endroits, ne peuvent plus mettre les pieds sans être au bord du lynchage, ces gens-là ont décidé, pour essayer, si vous voulez, de remonter un peu dans l'opinion, de livrer les flics à la plèbe. C'est ça qui se passe, c'est tout. C'est des requins, hein, c'est des requins, ils se bouffent. Alors, entre eux, ils se bouffent entre eux. C'est... ouais, non, quand même pas. Les reportages qui sont faits, notamment 20h, mais là, c'est ce qui est le plus regardé, c'est extrêmement soft. C'est-à-dire que tu n'as pas d'image, tu n'as pas d'image de nana en sang ou de vieilles qui se font canarder par des flics. Tu n'en as pas. Tu as dans des magazines à 22h, à la limite. Mais ça, au 20h, tu n'as rien. Tu vois ce qu'ils font, ils font un truc où ils te mettent des images, rien. Ils te montrent un trottoir, ah ouais, il n'y a plus rien. Ils disent, ah ouais, là, il y a eu des trucs, une nana s'est fait canarder, etc. Mais bon, ça aurait été un arabe qui se serait pris, je sais pas, une gifle par un type qui avait un polo Fred Perry. Putain, tu aurais eu le ralenti, tout qui passait au 20h directement. Quoi. L'explication. Et là, on t'aurait dit, là, vu l'angle de la gifle, là, c'est une tentative d'homicide. Voilà. Les experts sont formels. Affaire Amérique. Les experts sont formels. Tu aurais eu tous les mecs. Ah, oui, bah, oui. La peste brune. Que là, non, on te montre un trottoir où les gens font leurs courses. Tu dis, oui, bon, alors oui, quand même. On se pose des questions sur les violences policières parce que là, quand même, un type qui s'est pris un coup de flashball dans la tête, il est dans le coma. Bon, voilà. Affaire à suivre. Oui, donc les journalistes sont assez discrets sur sur la véritable violence en France. Une des vraiment des violences incontestables, c'est celle des banlieues. Et par exemple, le criminologue Xavier Roffert parle de 750 cités qui sont des territoires perdus de la République où les flics ne vont plus, c'est-à-dire qu'ils savent même plus qui vend de la drogue, etc. Vous avez un système de mafia, quelqu'un qui veut ouvrir un commerce, il se fait menacer par les racailles locales, les braves gens, parce qu'il y en a quand même dans ces quartiers-là, bien sûr. Ne peuvent pas, par exemple, aller dans la cage d'escalier parce que où ils sont même tabassés parce qu'ils voient des dealers qui vendent leur cam, etc. Donc c'est la pègre, hein, c'est la mafia. Et les journalistes, bon, ils en parlent un tout petit peu, mais bon, c'était de la Villardière, on avait parlé une fois, il avait dit que c'était là le seul endroit, je crois, où on l'avait embêté, c'était dans sa vie de journaliste, où il était à l'étranger, etc. C'était dans les banlieues françaises. Mais bon, grosso modo, bon, on parle pas trop de ça. Et, par contre, c'est vrai que quand le boxeur détingé quand il met un coup dans un bout de plastique, c'est vrai que c'est bon. Hein. Ouais, bah oui, là c'était démesuré. Bah, de toute façon, c'est simple, ça c'est le traitement qui permet de trancher sur cette question. C'est-à-dire que vous avez effectivement des gens qui se font éborgner, exploser le crâne, qui sont laissés pour mort sur les trottoirs après se faire tirer dessus au flashball par les policiers. Et comment dirais-je, voilà, il n'y a pas de traitement médiatique. Voilà. Et puis à côté de ça, il y a eu la pornographie gouvernementale au sujet du boxeur d'Étingé qui maintenant est quasiment considéré comme un criminel de guerre parce qu'il a foutu 2 coups de poing dans un bouclier en plastique d'un CRS qui est payé pour prendre des coups dans la gueule. Je veux dire, c'est ridicule, mais ça montre là aussi qui gère la communication de ce gouvernement, hein, parce que pour en arriver à un degré tel de perfidie, c'est signé, quoi, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Vous savez qui est à l'œuvre. Je crois que Captain voulait dire quelque chose. J'ai cru comprendre, mais je ne suis pas sûr. Non. Non, d'accord. Quelqu'un d'autre sur cette... C'est vrai qu'on s'est un peu écarté, du coup, mais non, rien de spécial, rien de plus. D'accord. Rubrique numéro 3. Avant de faire une pause musicale, les salles boumeuses de la semaine. Ah, ils nous en font un peu de celle-là, hein, quand même. Ah. Ah, c'est en Seine-et-Marne, c'est à Melun, et c'est un flash mob pour sensibiliser à la cause des migrants mineurs. Flash mob, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une mobilisation éclair, hein, donc c'est un petit happening, voilà, une petite action comme ça qui se veut spectaculaire. Un blitzkrieg. Pour attirer... Quand même pas. mais pour attirer l'attention. Alors ça se passe à Melun, je l'ai dit, 19 janvier. Petite trentaine de militants d'associations comme la Ligue des droits de l'homme, le Secours catholique, RESF, De loin en loin Solidarité Jeunes Migrants et des citoyens ont voulu sensibiliser les passants via un flash mob en centre-ville. Une initiative du collectif pour les droits des jeunes migrants qui a aussi lancé une pétition sur le site du Secours catholique. Pas de musique, pas de slogan scandé haut et fort, car la manifestation n'était pas véritablement déclarée, mais le cœur y était. Ce samedi après-midi, une petite trentaine de personnes formant le collectif pour le droit des jeunes migrants, le CDJM, j'aime bien les acronymes comme ça de gauchistes, ont improvisé une sorte de flash mob en centre-ville de Melun pour attirer l'attention des passants et surtout leur faire signer une pétition. En cause, les droits bafoués des jeunes migrants en Seine-et-Marne, selon ce collectif qui réunit donc, j'ai dit, la LDH, le Secours catholique, Réseau Éducation sans frontières, De loin en loin, Solidarité Jeunes Migrants, ainsi que des citoyens. Bon, il y a une redite, bon voilà. Ils estiment que le conseil départemental ne traite pas dignement ces jeunes mineurs isolés étrangers. Je vous donne un exemple. Quand ils arrivent, une commission évalue leur âge, etc. Mais avant qu'ils obtiennent leur rendez-vous, ils sont laissés à la rue, s'indigne Nicole Fautrel de la LDH. Le département, lui, estime assumer ses responsabilités pour les mineurs non accompagnés, donc les migrants clandestins mineurs, hein, entre nourriture, logement, accompagnement éducatif et social. Concrètement, le département indique que pour eux, donc pour ces migrants mineurs, 30 millions d'euros sont prévus à son budget en 2018, enfin ont été prévus, et autant en 2019 contre 11 millions en 2015. Oui, c'est oui, une augmentation de 300%, c'est pas mal quand même. Hein. Voilà, mais c'est pas assez, et ça c'était un article du Parisien. Je prends vos réactions. Qui veut parler en premier? Alors je précise, il y a une photo qui accompagne l'article. Une photo horrible. Alors oui, alors le profil est... uniforme, hein, je veux dire, voilà, c'est uniforme. Derek voudra peut-être prendre le soin de les décrire pour moi. Alors, oui, ce sont des clones, hein, qu'on peut voir sur cette photo-là. Des petites grosses, de 65-70 ans, avec des imperméables, la plupart rouges. Alors ça, c'est d'être ceux qui viennent d'associations communistes. Les autres ont des couleurs plus neutres. Donc ça, c'est peut-être les catholiques. Hein. Donc on a le Secours catholique, la maçonnerie avec la Ligue des droits de l'homme, d'autres trucs, RESF, des machines communistes en tout genre. Trotskistes, ouais. C'est voilà, les parasites s'agglomèrent, tu vois. Et donc, ouais, pour revenir à la photo, c'est que des vieilles, quoi, des vieilles peaux qui n'ont rien d'autre à foutre que de demander du nègre et que les populations actives... paye, hein, il faut qu'on paye. C'est passé de 11 millions à 30 millions en 3 ans, mais c'est pas assez, il faut pas payer. Assez. Voilà. Hein, donc les types, suppose que on mettrait 60 millions, ça serait pas encore assez, évidemment. Ouais, les gilets jaunes là, vous qui voulez payer moins d'impôts. Est-ce que vous avez pensé à nos nègres à nous là, hein? Qu'est-ce qu'on va en faire de nos nègres? S'ils ont pas assez à manger, ouais, après ils vont faire caca partout. Hein, ils mangent pas bien, ils ont le transit qui est perturbé. Voilà, ça fait des trucs... Après, on se plaît, on encourage le racisme. Vous ne voudriez pas ça, tout de même. Donc là, c'est plus spécifiquement pour les négrillons clandestins. Hein. C'est des... Oui, voilà. Oui, c'est pour faire de l'élevage. Hein. C'est de l'élevage, là. On est clairement dans l'élevage. Il faut qu'ils soient bien nourris, qu'ils soient quand même bien en chair, bien entretenus, bien logés, parce que sinon, ça ne va pas. Hein. Et alors, bien évidemment, ces rombières... comprennent, hein, le principe de la pompe aspirante, c'est-à-dire que tu mets 30 millions, bon bah le nombre de pouilleux du tiers-monde qui arrivent est multiplié par 3, si tu mettais 10 au départ, quand on mettra 60, ils sont multipliés par 6, quand on mettra 100, ils sont multipliés par 10. Voilà, bon, elles l'ont très bien compris, le but est bien évidemment d'en faire venir un maximum. Alors moi ça me fascine parce que Melun c'est quand même un trou à rats déjà au plan racial. Hein. Bah, c'est la fin de du RERD, hein, de la ligne du RERD. Ah ouais, c'est... Lignes, hein. Et il n'y en a pas, visiblement, il n'y en a pas assez. Et en précisons aussi, il y a une négresse sur la bande, là, elles sont une vingtaine, il y a une négresse, on ne sait pas ce qu'elle fout là, mais tous les autres sont des blanches. Hein. C'est que ouais. Des vieilles blanches, des vieilles biques opposées, c'est que de ça. Hein. Oui. Et je mets mon ticket que là-dessus, c'est 80-85% de la fonction publique en retraite. Hein. Je dirais même plus, prof en retraite. Je sais pas si vous avez vu, mais si vous regardez bien sur la photo, elles tiennent toute une petite pancarte là dans la main. Et si vous regardez bien, c'est marqué « We want free sex ». c'est quoi, tu te rigoles, c'est marqué dessus? J'aurais bien aimé. Non, je blague. J'aurais bien aimé. Mais ouais, il y a de ça. Bah, il y a beaucoup de ça, je pense. Bah, évidemment, bien sûr. Non, mais c'est évident. Alors déjà, ces vieilles putes vraiment ne veulent rien nous épargner, quoi. C'est-à-dire que imagine-toi les maris, quoi. Putain, le type, il doit subir ça au quotidien, putain. Je comprends pas. Comment ces gens sont des héros du quotidien, héros anonymes. C'est-à-dire y en a la moitié qui est divorcée, donc bon. Moi, je sais pas, c'est bizarre qu'à leur âge, 60-70 ans, elles soient pas en train de s'occuper de leurs petits-enfants, qu'est-ce qu'elles s'occupent de la négraille du tiers-monde? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Il doit y avoir une forte proportion de vieilles filles dans le lot. Ouais, je crois, vu les gueules, putain, pouf. Mais c'est symptomatique, voilà. Alors oui, j'ai voulu faire le lien. Donc là, on est d'accord, hein, on a les vieilles... Alors quand même, allez, tiens, Derek, je vais te lancer là-dessus. Tu précisais que le Secours catholique était bras-dessus avec les marxistes dans cette affaire. Oui, et les maçons, hein. Avec droit à l'homme, voilà, c'est la maçonnerie. Hein. Voilà, bon, c'est donc le Secours catholique, Caritas, tout ce truc-là. Voilà, bon, non... Ne donnez rien à ces enculés, ne leur filez rien du tout. Si on a des auditeurs qui vont à l'église... très bien, ils font ce qu'ils veulent. Qui se tape le pape nègre, hein, tant mieux pour eux. Moi, je peux pas, désolé. Hein. Mais voilà, quand ces gens-là viennent demander du fric, regardez-les méchamment et dites non. Quoi. Mais comment dire, voilà, enfin, l'Église catholique aujourd'hui est une organisation qui nous fait du Besancenot, hein. c'est de ce niveau-là. Hein. Ouais, c'est... C'est de ce niveau-là. Hein. Le pape montre l'exemple. Oui. Et puis bon, là, on a... C'est ce que... Si Astérix était là, il nous parlerait des dames de la paroisse. Lui, là, il était traumatisé par ça quand il était gamin. Ah ouais Astérix, petit coucou. Les dames de la paroisse, c'est-à-dire, c'est là que ça... On te commence le lavage de cerveau, la machine à vouloir négrifier le monde, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Moi, quand je regarde la photo, je compte 20 personnes, grand maximum, ça c'est un. Vous allez me dire à 10 près, ouais, d'accord. Mais d'un autre côté, 20 personnes pour 5 organisations, franchement... Bah, quand tu lis l'article, hein, t'as l'impression qu'il y a la moitié de la ville qui s'est mobilisée. Hein, Il faudrait creuser pour savoir, parce que là, effectivement, ça fait 20 personnes, 5 organisations, savoir le nombre de subventions qu'ont reçu chacune de ces organisations par la mairie, le département et la région, et rapporter ça au nombre de nanas qui sont là-dedans. À mon avis, ça doit faire un bon petit paquet de pognon, hein. Bien sûr. Puis en plus, elles montent leur gueule dans la presse, elles sont contentes, parce que c'est ça, hein. C'est attirer l'attention, oui, hein, toujours. Tu te fais voir, tu as une influence auprès des élus pour demander du fric, quoi. C'est du racket. Hein. Alors, on a ces vieilles rombières marxistes de toute couleur politique, j'entends, qui donc appelle à accroître toujours plus le flot de l'immigration africaine, c'est très bien. Et il y a une anecdote que j'ai relevée sur un média, le média d'État allemand qui s'appelle la Deutsche Welle, si vous ne connaissez pas. La Deutsche Welle, donc, qui est un média gouvernemental. Hein. Alors, cette affaire pâlir France Info. Hein. À faire pâlir France Info. C'est un degré plus loin dans le judéo-trotskisme. Et alors j'ai trouvé ce document. Alors je peux en mettre un extrait ou pas, mais ça se passe à Berlin. On nous raconte une histoire. C'est filmé, hein, c'est un documentaire, enfin c'est pas un documentaire, c'est un reportage où on apprend en fait l'intégration commence en fait et donc à Berlin et que la paix entre les peuples prend enfin forme. Et comment? Bah, c'est dans un cabaret à Travelo où un Syrien fait un numéro de danse avec un Travelo juif israélien et ils sont très contents. Et le Syrien est un spécialiste de la danse du ventre, apprend-on. Et voilà, alors j'en mets quand même un extrait sonore juste pour qu'on se plonge dedans. Et puis ensuite on se retrouve, voilà, et vous allez voir, ça va faire le lien. My name is Judy Ladivina and I'm an Israeli drag queen. My name is Haider and I'm a Syrian belly dancer. Yes, we have leaders that are constantly in a big fight among themselves, mm-hmm. but it does not have to reflect the way on we the feel people. About each other. Exactly, especially on the community and the society. And after knowing that she's Israeli, even brought us more together, yeah. I think. We don't hate each other, we're not enemies, definitely not by default. We are people, we're just people. Do you love me? Do you want me? Bon les gars, alors pourquoi j'ai voulu en parler bah parce que ça m'a semblé assez symptomatique quoi. Hein. Donc la réconciliation en plein cœur de Berlin entre les PD juifs et arabes et la radio d'État allemande qui nous explique que voilà, ça c'est le projet, c'est le futur. Et ça fait le lien donc avec les rombières monoposées communistes d'Île-de-France qui sont à peu près hein, sur la même ligne. Hein. Voilà, c'est un peu l'objectif. Qu'est-ce que vous voulez m'en dire de ces images? Alors c'est dommage, hein, je sais que démocratie participative c'est que audio, vous aurez eu au moins le son, mais faut voir les images, il y a un côté... Il y a un côté République de Weimar, hein, totalement. En fait, c'est même pas surfait, quoi. C'est ça, en fait. Hein. Il manque plus que des cochons qui chient par terre, tu vois. Le tableau serait complet. C'est-à-dire que tu as une espèce de juif là, qui doit faire 1m85 avec un terrain absolument énorme. Une voix de juif, quoi. Et l'autre, l'espèce de syrien, alors, qui est très clair, hein. D'être, je pense, de l'ethnie de Bachar al-Assad, parce qu'il est vraiment très blanc, et alors qu'il est maniéré au possible. Et, bah, il a le torse, ah ouais. Il a le torse poilu, découvert, et il fait de la danse du ventre. Voilà, il est la danse du ventre habillé en robe. Voilà, c'est-à-dire, au secours. Quoi. Donc, voilà, ils sont contents, ils font de la cuisine ensemble. Alors, je vous raconte pas tout le houmous qu'il doit y avoir. L'odeur putride de au secours, voilà. Mais oui, le tableau est celui-ci. Bah écoutez, Conchita Wurst avait donné le ton, je trouve, il y a déjà quelques années, hein, Conchita la saucisse. C'est la petite moule saucisse, c'est ça que ça veut dire, Conchita Wurst. D'accord, bah tu vois. Conchita, c'est la petite moule. Ah, pour ceux qui ne se souviennent pas de cette... Pour ceux qui ne se souviennent pas de cet odieux personnage, c'était l'espèce de travelot dégueulasse qui avait représenté l'Autriche à l'Eurovision. Oui, concours marqué aussi du sceau de la bête. Hein. Mais je ne me sens pas tellement d'humeur à accabler les Autrichiens, puisque maintenant la France alors, ne fera peut-être pas aussi bien que la femme à barre, parce que je dois quand même dire que la femme à barre, c'était quand même un tournant dans l'histoire européenne, mais... on a quand même Bilal Hassani, quoi. Je veux dire, ça appelle à une forme d'introspection et d'humilité. Bah, il y a un lobby, si tu veux. Les Maghrébins ont fait du forcing pour avoir le représentant de leur jeunesse qui soit leur vision. Bon, il faut le dire. Il y a quand même une constante hein, avec tous ces gens-là. Donc, bon, alors pour en revenir à notre affaire berlinoise, donc l'idée, c'est ça, hein, c'est que l'immigration, la diversité, en Occident, en Europe, hein, chez les Blancs, va amener la paix entre les communautés. Alors, c'est génial, parce que quand t'es dans leur pays à la con, c'est-à-dire que l'État, Israël, c'est un mur, hein, pour empêcher les Arabes Arabes de rentrer chez eux. Si on l'a vu là, cette 2018, les Arabes s'approchent trop près de leurs frontières, c'est 500 morts à l'arme automatique. Hein. Ça va très très vite. Hein. Bon. Par contre, à Berlin, bisous bisous, les anus de l'amour, voilà, enfin tout va bien pour toujours, quoi. Tant que ça se passe chez les Blancs, là on peut faire caca partout, on est copains comme cochons. Bon. Et qui c'est qu'on trouve à côté de ces fiottes là, juives et arabes? Je dis à côté, vous avez compris dans l'intention, quoi. Des rombières ménopausées blanches qui haïssent l'homme blanc, voilà, parce que le point commun de tout ce beau monde, c'est d'haïr l'homme blanc. Hein. C'est voilà. Toujours le même truc, hein. C'est le dénominateur commun de toute cette faune. Et travaux aux juifs, des vieilles rombières ménopausées qui veulent faire venir des nègres, de la femme des arabes, etc. De la femme à barbe. Oui, ces gens ont décidé de nous faire chier, de nous détruire, ouais, tout simplement. Pause musicale et on se retrouve. Avril 2017, dans la banlieue près de Cergy, avec le feu dans sa braguette, mon mole pervers sort de chez lui, dans le lointain ses congénères poussent des cris. Ça y est, j'ai planté le décor, fait le climat de ma chanson, ça change un petit peu du hardcore, j'aime bien cette ambiance par vous, ah bon. Voici l'histoire proprement dite, voici l'intrigue de ma chanson, mon mole pervers a une belle bite, qu'il sent grossir. Son caleçon, dans le lointain, pas une gonzesse à l'horizon. Lorsque soudain, sur le macadam, lui parvient comme un doux présage, le bruit des talons d'une petite femme, Momo le berbère est tout en âge. N'aurait pas dû Momo le berbère lui demander son 06. T'aurais dû rester en prière, loin de ton. Sans son zob qui le dit-il, mais le fait taire et réfléchir. Faut dire question, serrage de fil, puis toujours qu'est-ce qu'il en chie. Et les rotins de la parisienne le refroidit. Qu'est-ce que je vais faire, bordel de Dieu, je vais quand même pas rentrer branler. Puis sans voix, moi ça va mieux, quand soudain lui vient une idée. Je vais fourrer mon énorme pieu dans le milieu de cette cagole. Et puis après, je lui crève les yeux. Quel portrait, un pour viol. Faut bien que je me protège un petit peu, je suis pas teubé. Une fois son forfait accompli, Momo le berbère va repartir. Et la douleur d'un coup surgit, à son calcul qui se met à cuire. N'aurait pas dû Momo le berbère la pénétrer dans tout qui puisse. N'aurait dû la foule par derrière. Alors pendant une demi-heure, il essaie de pisser sa ch'touille. Il est fiévreux, il est en sueur, ça lui brûle jusque dans les couilles. Mon sang de putain, je crois que j'en ferai tellement servitude. À ce moment-là, un mec arrive, un petit femme aux cheveux blonds, et qui lui dit d'une voix chétive, j'ai toujours aimé les melons. Si ça te branche, t'avales ton chibre, je picore, petite noisette. Tout ce que tu veux, mon pote, t'es libre, mais laisse-moi jouer. Ta clarinette, dans le lointain, il se passe plus rien, du moins il se sent. Alors d'un coup de tête balayette, bien placé entre les deux yeux, Momo le berbère aussitôt net, la petite princesse de mes deux. Faut pas faire suer Momo le berbère quand il tripote sa bistouquette. C'est la morale de ma chanson. Moi je la trouve chouette. Pas vous ? Ah bon. Voici sur Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode numéro 3. Et nous allons parler faits divers, faits politiques aussi. Nous allons parler de la condamnation d'Alain Soral, qui a été annoncée cette semaine. Et là, je vais vous donner un article de Paris Match, qui nous fait un petit topo de la situation. Alain Soral, condamné à 1 an de prison ferme pour injure et provocation à la haine racial. L'essayiste d'extrême droite Alain Soral a été condamné à 1 an de prison ferme pour avoir injurié une magistrate et tenu des propos antisémites sur son site internet. Le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné jeudi l'essayiste d'extrême droite Alain Soral à 1 an de prison ferme pour avoir injurié blablabla. Alain Bonnet dit Soral, qui n'était pas présent jeudi à l'énoncé de sa condamnation, avait notamment écrit sur son site Égalité et Réconciliation, je cite, « Les juifs sont manipulateurs, dominateurs et haineux. » Contre la magistrate, il affirmait « Je n'ai jamais entendu autant de mensonges et de malhonnêteté sortir de la bouche d'une femme, et pourtant, des salopes, j'en ai connu. » Faut dire qu'il a quand même l'art et la manière, quoi. C'est ça, ouais. L'essayiste avait reproduit sur son site des déclarations prononcées lors d'une audience. Donc il avait reproduit, en fait, une plaidoirie. À la fin de sa publication, il s'en prenait à la procureure. Il savait même plus écrire français en France, il se la procureure, alors que si on parlait correctement français, on appellerait au féminin la procuratrice, me semble-t-il, qui avait requis 1 an de prison ferme à son encontre. Dans cette affaire, il avait été condamné à de la prison avec sursis. À Bobigny, le tribunal a suivi les réquisitions du parquet. Avec cette condamnation, la peur a changé de camp. Nous continuerons à poursuivre Alain Soral dès qu'il tiendra des propos anti-juifs, a déclaré à l'AFP l'avocate de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, l'ICRA, Ilana Zoskin, qui est également juive. Pour Richard Malka, également juif, l'avocat de la magistrate injuriée, Alain Soral est rentré dans un rapport de force avec la justice, mais la justice ne s'est pas laissée impressionner. Richard Malka a précisé que c'est la première fois qu'Alain Soral est condamné à une lourde peine. La justice met un nouveau coup d'arrêt à ce petit propagandiste de la haine, s'est félicité de son côté, l'Union des étudiants juifs de France sur Twitter. Alain Soral, 60 ans, a été plusieurs fois condamné pour provocation à la haine raciale. Sa dernière condamnation remonte à décembre pour diffamation. La cour d'appel de Paris lui a infligé une amende de 4000 euros pour avoir publié et mis en vente sur son site une affiche visant les juifs. Alors, les amis, beaucoup à dire. Non, petite rectification, il n'a pas été condamné plusieurs fois de la provocation à la haine raciale, il a été condamné pour provocation au bien-être des juifs. C'est pas tout à fait la même chose. Oui, j'aime formuler les choses un peu différemment. Je dis qu'en fait, quand il a manqué de respect aux juifs, en fait. C'est ça. Oui. Il a manqué de respect aux juifs, c'est lourdement sanctionné dans la théocratie juive qu'est la France. Alors, la liberté d'expression, oui, s'arrête là. Bien compris. Oui, alors c'est bien que tu rebondisses là sur la liberté d'expression, parce que Richard Malka, avocat juif, donc je l'ai dit, est l'avocat désigné de Charlie Hebdo. Oui. Bah oui, la liberté d'expression, Charlie Hebdo. Bien comprise. Bien comprise. Donc on peut. Richard Malka qui est juif, hein, bon, il faut le rappeler. Hein. Je effectivement, il est chauve du sexe, effectivement. Il me semble que c'est l'ex-mari d'Elisabeth Lévy, je crois, non ? Il y a pas une histoire comme ça ? Je ne suis pas familier des histoires généalogiques de la grande tribu, mais je veux bien te croire. Enfin bon, je laisse nos auditeurs rechercher là-dedans. Oui. Mais ouais, bon, c'est très bien. Alors oui, donc sur le fond, les déclarations, deux déclarations lui sont reprochées. Hein. Alors d'avoir déclaré que les juifs étaient manipulateurs, menteurs et haineux. Alors du coup, qu'est-ce qu'il lui a reproché ? Je ne comprends pas. Oui, c'est la question qui est posée. J'ai l'impression que faire exercice de vérité aujourd'hui, donc dans cette théocratie juive, comme on l'a dit, est lourdement sanctionné. C'est-à-dire que tu prends des éléments, bon, tu dis, bon, il y a quand même les juifs, tu vois, bon, allez, bon, quand même, tu peux te permettre d'établir des jugements. Et si les jugements ne plaisent pas aux juifs, pof, prison. C'est bien, hein. Il n'y a pas de. Bon, c'est que c'est comme nous, quoi, hein. on a plus à tuer personne. J'ai déjà dit pas la que semaine ça, dernière. Oui, non, voilà, même, bon, non, on n'a plus à tuer personne, ni à aller lyncher personne non plus, quoi. Non, bon. À la différence, pourtant, d'ailleurs, des pourtant, juifs. On nous fait des procès, à la différence des juifs, Alors, un particulier, hein, on t'enterra le nom. Ouh, mais il y en a plein. Oui, tous s'appellent. Enfin, bon, ces juifs veulent du sang, hein, ils veulent. Jéhovah réclame vengeance. C'est ça. Mais alors, donc, bon, alors, donc l'affaire, hein, donc première déclaration, alors, relativement. Une race de menteurs, de voleurs et de manipulateurs. Bon, excusez-moi, je veux dire combien d'auteurs français et autres, hein, de toute notre nationalité ont dit exactement la même chose à toutes les époques. Mais maintenant, ça vaut la prison. Donc on a bien compris que voilà, les juifs contrôlent l'État français, contrôlent la France. Voilà, ils ne tolèrent plus le moindre propos, voilà, doit être sanctionné par la prison, les persécutions, etc. Voilà, donc voilà, c'est la soif de liberté telle que pensée par les juifs. Ce qu'ils appellent la démocratie, etc., c'est bien évidemment à leur seul, enfin à leur usage exclusif. Il faut bien comprendre, hein. C'est ça. Effectivement. D'ailleurs, si on s'intéresse un petit peu à la liberté d'expression ou les lois de censure, on regarde du côté ne serait-ce que des USA, puisque je ne vais pas vous l'apprendre, énormément de caca vient à la base des USA, pays créé par des blancs protestants et ensuite malheureusement colonisé déjà à l'époque par des juifs. Eh bien, tout ça a commencé dans la littérature et à l'époque, les juifs, encore une fois, spécialistes en entourloupe et compagnie, ont utilisé les prétextes de liberté d'expression pour faire cesser les lois de censure qu'avaient mis en place les gouvernants américains, en fait, pour protéger leur population de littérature pornographique. Et de là, ensuite, bon, bien sûr, tout est arrivé, le féminisme, la pornographie audiovisuelle, tout ça. Et c'est marrant parce que ben, quand il y a quelque chose qui arrange les juifs, là, il faut de la liberté d'expression. C'est important de ne pas censurer. En revanche, quand on parle des juifs, là, la liberté d'expression, ça n'existe pas. Ah non. Ah non. Ah non. Oui, ah bah... c'est ça. C'est bien expliqué. Qui d'autre là-dessus sur bon, je veux dire, alors, même sur Soral, je veux dire, on n'est pas obligé de dire du bien de Soral. Enfin, je sais pas ce qui. Je sais que. Enfin, on ne dit pas du bien de Soral. On dit juste qu'il oui, a oui, dit. Ça, oui, voilà. Ben, Soral a dit que le ciel était bleu. Je ne vais pas dire que le ciel est vert, parce que c'est Soral qui l'a dit. Hein. C'est ça. Et alors, Moi, j'ai envie de dire... J'ai envie de dire un peu de bien de Soral. Alain, si tu nous écoutes, je trouve que tes crochets gauche-droite low kick sont assez affûtés. Et à ton âge, c'est respectable. Non, blague à part. Soral a quand même réussi à décroter... pas mal de gauchistes, en fait, à les faire réfléchir sur leur position idéologique, enfin, vraiment ancrée au marteau burin dans leur tête. Et ça, c'est quelque chose qui est pas mal. Bon, ensuite, on peut bien sûr critiquer tout le côté babouchelâtre. Mais autour de moi, j'avais des gens qui ne voulaient absolument ne pas prendre en compte ce que j'avais à dire sur la politique, l'immigration, ce genre de choses. Et ces gens-là, lorsqu'ils ont écouté Soral, au fur et à mesure, se sont retrouvés sur des positions peut-être pas aussi radicales que les nôtres, mais ils sont devenus patriotes, nationalistes, et bon, voilà. Merci Alain. Oh, là, il est élogieux, ouais, c'est rare. Beaucoup, voilà, disons que... Moi, c'est pareil. Tu peux ne pas aimer le bonhomme. Moi, je suis très très sceptique. Mais disons que... Bon, en France, il y a un avant et un après Soral. Ça, tu pourras jamais dire le contraire. Tout comme il y a eu un avant et un après Dieudonné. Vas-y, développe un peu, là. Bah, c'est simple. Il y a eu un impact au niveau des masses qui est juste phénoménal. Je veux dire, déjà, Dieudonné a fait un boulot... En fait, il a continué le boulot de Forisson. Et je pense qu'il a fait beaucoup plus pour démystifier le mensonge juif que Forisson, Renoir, malgré toutes leurs qualités. Donc, à partir du moment où Dieudonné s'est ri de la Shoah, ça a été le mouvement déclinant, si tu veux. C'est comme quand tu vas à la fête foraine, tu vois, tu montes, et puis à un moment donné, tu vois, ça stoppe. Ça, tu vois, c'est le moment donné, Dieudonné. quand Oula. Il se foutait de la gueule de la Shoah, puis après on descend. On descend, on descend. Et puis je pense que d'ici peu, parmi les, on va dire, les moins de 30 ans, 80% des gens seront totalement froids devant le mensonge juif. Qui d'autre? Oui, je voyais corriger quand même. Quand il dit que Dieudonné et Soral ont fait plus que Renoir ou Forisson, non, ils n'ont pas fait plus. Ils ont continué le travail sur un autre plan. C'est pas pareil. Oui, t'as Forisson qui était un scientifique, un historien. Enfin, il n'était pas historien au sens strict, mais bon, il a fait une analyse scientifique en les questionnant. Et c'est vrai, sur un autre domaine de la culture populaire, des gens comme Soral et Dieudonné ont permis, on va dire, de... En fait, je pense, parce que le truc est là, en fait. Parce qu'il y a... Légitimement, parce qu'il y a... Enfin, je veux dire, Soral, c'est quelqu'un qui attaque bille en tête les racistes. Hein. C'est quelqu'un qui fait... Enfin, c'est quelqu'un qui défend vraiment les Arabes. Enfin, il veut les défendre, quoi. Bon. Mais je pense qu'il y a, deux volets, on va dire. Alors, c'est d'abord le volet de la déconstruction. Là, je pense qu'il a été vachement efficace. C'est ce que vous disiez, c'est ce que vous dites, en gros. Hein, c'est qu'en fait, il a très bien déconstruit les grands mythes, j'allais dire, du mitterrandisme, hein, du judéo-mitterrandisme. Quand avec les grands procès, Papon, Barbie, c'est quand tout ça s'est mis en place à l'initiative de gens comme Bernard-Henri Lévy, Marek Alter, hein, tous ces juifs-là, et que la machine à détruire, en fait, la société s'est mise en place, la machine sémitique à détruire la société s'est mise en place. Puis ensuite, il y a le domaine des propositions. Et là, effectivement, personne ne peut légitimement suivre Soral, parce que bon, quand il dit on va, en gros, proposer d'aménager une France multiraciale, multiculturelle, où on sache, tout le monde sait que c'est faux, et que ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi? Bah parce que tout le monde veut la fuir, hein, la France multiraciale, hein, que les juifs d'ailleurs ont édifié. Donc les gens se disent à juste raison, je veux dire, une France halal antisémite n'est pas plus désirable qu'une France juive halal. Enfin, je veux dire, une France sous domination juive qui serait repeuplée d'arabes ou de musulmans. Bon, oui, alors... c'est-à-dire qu'une France de métèque n'est pas plus désirable qu'une France de métèque. Ouais. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, en fait, c'est là le problème. Et en fait, c'est vrai qu'Alain Soral a quand même essayé de nous dire. Oui, mais vous comprenez, une fois qu'on aura éliminé les juifs, tout se passera bien entre les arabes et les français. Bon, on sait que c'est faux, parce que bon, dans 99% des cas... Non, mais quand bien même ça se passerait bien, ça ne serait pas souhaitable. Oui, non, mais en plus, mais je veux dire, quand ça se passe mal à Toulouse, le Mirail, voilà, c'est pourquoi, c'est parce que les arabes sont juste insupportables au quotidien. Bon, il faut être honnête intellectuellement. Voilà. Oui, disons que c'est pas encore des juifs en papillote qui agressent des milliers de Français, enfin des dizaines de milliers de Français. Mais ça, c'est une question de nombre, hein, parce que quand ils sont en Palestine, ils se font quand même bien plaisir sur les populations autochtones. Donc, j'ai tendance à penser que si c'était en majorité en France, on passerait pas des week-ends très, très apaisés non plus. Hein, je veux dire, voilà. D'ailleurs, vous avez qu'à remarquer, hein. Moi je vous le dis, je l'ai répété, les juifs vont mettre en place des checkpoints partout en France. Je veux dire, on va y arriver, les gens sont là, ils se frottent les yeux, ils comprennent pas, ils ont du mal, c'est bizarre, le pouvoir nous balance des gaz lacrymogènes, j'ai dit, hein, 600 000 cartouches lacrymogènes en 2 mois, mais c'est très curieux, ils visent la tête, etc. Mais oui, mais voilà, alors les gens, ils décantent petit à petit, parce que c'est des processus très lents, hein. Mais progressivement, ils vont comprendre. La France est un pays occupé. Elle est occupée par une puissance internationale dont la tête est le juif. Bon, c'est simple à comprendre. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour le piger. Je crois même qu'il ne faut surtout pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre. Même s'il y a certainement des gens très bien à Saint-Cyr, ce n'est pas la question. Mais par le bas... Le pouvoir juif a des auxiliaires, parmi lesquels toutes ces masses de nègres que leurs associations défendent, toutes ces masses de musulmans, dont d'ailleurs on voit bien que certains juifs courtisent. Je voyais encore récemment Enthoven, là, qui nous faisait de l'exégèse musulmane en compagnie d'un arabe, pour nous dire que le texte coranique, etc., etc., c'était très bien, voilà, et il suffisait de savoir le lire, hein, donc de le lire en yiddish. Alors, bon... pour en revenir à Soral, donc c'est vrai que sa théorie d'une France multiraciale apaisée parce que antisémite, c'est faux. Mais ce n'est pas pour ça que le constat qu'il a posé, la déconstruction des mythes hébraïques qui fondent la France depuis 1945, sont faux. Moi, je propose en ça, comme en toute chose, d'être honnête intellectuellement. C'est tout, voilà, c'est pas d'être pro-Soral. Il faut simplement reconnaître intellectuellement quand quelque chose est vrai et quand quelque chose est faux. Et quand il dit... quand Soral répète ce qu'on dit des sommités intellectuelles depuis Cicéron, Voltaire et d'autres, on tous dit la même chose des Juifs. Je veux dire, il faut arrêter, quoi. Je sais pas, parce que depuis 50 ans, les Juifs ont plein pouvoir et de traîner n'importe qui devant les tribunaux pour leur faire dire sous la contrainte que tout le monde les aime, que c'est vrai. Hein? Donc c'est pas parce que Soral dit une vérité que il faut dire un mensonge. Hein? Ça c'est de la malhonnêteté intellectuelle, c'est pas intéressant et ça nous fait pas avancer. Donc Soral sur les Juifs a dit une vérité. Hein? Ils sont menteurs, manipulateurs et haineux. Hein? Je crois même que le Christ l'a dit plus ou moins. Je me semble-t-il. On aurait pu rajouter assoiffé de sang. Hein? Aussi, bon, le qualificatif ne manque plus hein, quand on parle des Juifs, voilà. Et voilà, et ensuite, je dirais la même chose sur n'importe qui. Enfin, je ne préjuge pas, en fait, à partir du moment où c'est vrai. À partir du moment où c'est vrai. Si demain, Macron dit « Les Arabes sont une race de voleurs », je ne vais pas m'inscrire en faux en disant « Macron est vraiment la dernière des saloperies, il a osé dire que les Arabes étaient une race de voleurs ». C'est un fait, les Arabes sont des voleurs, c'est comme ça, c'est dans leur gène. Bon, voilà, il faut le reconnaître, c'est tout. Voilà. Alors Alain Soral, sur les Juifs, a dit d'excellentes vérités, et surtout, le plus fort, il les a popularisées. Mais des choses qui ne sont pas nécessairement nouvelles, c'est le cas de le dire. Hein. Voilà, bon, voilà. Donc, voilà ce que j'ai envie de dire, mais... Non, mais ce qui était intéressant de noter, c'est que le système se bolchevise oui. De plus en plus. Hein, la bolchevisation français, c'est voilà, c'est pas tant bon. Le cas Soral est juste l'illustration de ça. La répression, que ce soit. Il y a Ryssen aussi. Hein, je crois qu'il doit rentrer en mars de mémoire. Printemps, en tôle, et les Juifs lui préparent 3 ans de prison. Qu'a fait Hervé Ryssen? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit des livres. Et des livres dans lesquels il cite les auteurs juifs. Les auteurs juifs qui, à la fois, qui, quand ils écrivent des bouquins, ont la bonne idée de dire la vérité. Te raconter que bon, il y avait quand même beaucoup d'inceste chez eux, par exemple, et qu'il haïssent les goïms au plus haut point. Il a cité d'ailleurs le grand-père Griveaux de la nana de Griveaux. Voilà, bolchevique, absolument. Ouais, bon, ça c'était extraordinaire. Alors, il y a un moment donné où Griveaux dit. Enfin, il parle donc il parle du grand-père, qui est un Polak juif, hein, qui arrive en France, il échoue, on ne sait pas trop comment. Et alors il dit, oui, mais alors en France, donc il a créé des œuvres pour les enfants rescapés de l'Holocauste. Alors, ah bon, donc on en a parlé, on ne va pas y revenir. Et il dit, qu'est-ce qu'il y a de plus français que ça? Donc le mec est un Polak juif qui bosse pour des enfants polacs juifs, Dixit, hein. Moi je ne sais pas, j'ai pas été fouiné. Il dit ça c'est très français. Non mais c'est cette capacité. C'est très français, il n'y a rien de plus français. Voilà, non mais c'est cette capacité de ces gens à s'approprier ce qui n'est pas à eux, c'est juste fascinant quoi. Alors donc, alors ils vont en Palestine, c'est à eux. Ils sont en France, c'est à eux. Ils sont aux États-Unis, c'est à eux. Tout est à eux quoi. En fait, si vous me permettez, je vais citer un très grand penseur du 21e siècle qui s'appelle Ahmed Moalek, qui a écrit « sale juif, voleur de terre, sale juif ». Qu'est-ce que tu crois, toi? Tu vas faire quoi avec tes banques? Tu vas acheter le paradis avec tes banques, le juif? Tu t'enorgueillis, tu te crois tout puissant? Tous les jours, tu m'appelles? Ah, puis tu veux que moi je sois gentil avec toi, espèce de sale juif? Tu mets ma famille en danger, espèce de sale juif. D'accord? Tu appelles à l'égorgement de la chrétienté, espèce de sale juif. D'accord? Vous censurez les gens, espèce de sale juif. Qu'est-ce que tu crois, toi? Que je vais me taire, que je vais les... Sale juif, je te dis, moi. Moi, je dis la Shoah, elle a existé. Allahu Akbar. Je suis pas, tu peux pas imaginer à quel point ça me fait plaisir de savoir que la Shoah a existé et que c'est les gens comme toi qu'on finit dans les chambres à gaz. Et je suis content aujourd'hui. Et que je suis content de pouvoir le dire aujourd'hui. Quoi qu'il advienne, je suis content de pouvoir dire aujourd'hui, je suis bien content que la Shoah a existé, mais je regrette que toi, t'étais pas dans les trains. Toi et tous ceux qui emmerdent le monde aujourd'hui, vous les banquiers. Fini, je t'ai dit. Fini. Vous tirez à vue sur les gens? Fini. Vous voulez la guerre civile? Elle va arriver, la guerre civile. Moi, au moins, je dirais ce que j'ai à dire. Contrairement à tous ces lâches d'humains. Ces lâches d'humains que vous avez asservis, d'accord? Que vous menacez, d'accord? Vous voulez vous appeler à l'égorgement et nous, on va falloir qu'on se taise au nom des lointains de Pharaon. Va te faire enculer, toi, tes ancêtres, ta Shoah, ton Israël, d'accord? Allez vous faire enculer, d'accord? Oui, c'est vrai. Ahmed Moalek, donc, qui est un écrivain aussi. Il écrit. Un poète. Poète aussi, c'est vrai, c'est exact. Assez peu, un conte d'auteur, c'est vrai que c'est assez peu connu. C'est une belle âme, hein. C'est vraiment une très très belle âme. Écoute, Dieu sait que je n'aime pas les armes. Et à. Bon, Ahmed. Allez, on lui paye le billet d'avion en classe affaires. Hein? Oh! Oui, trop, remigration pas... champagne. Ouais, remigration champagne, on le nomme général en Algérie, enfin un truc comme ça, quoi. Voilà. Un truc bien, quoi. Pour ses efforts contre les juifs. Oui, mais c'est vrai, il y a eu l'affaire Moalek, là, qui veulent. Alors lui, ils veulent le supplicier à les juifs, là, ils veulent. Là, c'est lancé, là. Hein. Là, c'est. Ils veulent. D'ailleurs, sur sa chaîne, Moalek a diffusé les menaces que les juifs lui envoient régulièrement au téléphone. C'est à écouter quand même, hein. Parce que les autres sont là, oh mais comment, mais quoi, cet homme, qu'est-ce qu'il anime et tout, tu vois. Mais quand t'écoutes les menaces qu'il reçoit, enfin c'est quotidien, quoi. C'est juste insupportable. Que, oui, les juifs l'appellent et lui laissent des messages sur sa boîte vocale en pleine nuit, quoi. Voilà, pour lui dire tout le bien qu'il souhaite à ses enfants. Bon, je suppose qu'au bout de quelques mois, tu vois, des gens qui sont d'ailleurs pas nécessairement très patients. On arrive à faire des déclarations choc, dirais-je. Voilà, et ensuite... Eh bien, c'est pour ça, quand même. Vas-y, je t'en prie. Non, voilà, je veux dire, c'est pour ça que c'est... Enfin, je veux dire, c'est juste le coup permanent des Juifs. Les Juifs viennent chez toi, dans ton jardin, ils brandissent un couteau, ils le foutent sous la gorge de tes gosses, et ils disent, espèce de saloperie, je t'emmerde, et je reviendrai demain, tu vois. Et quand finalement, t'en as plein le cul, après 3, 4, 5, 6 mois de ce cinéma-là, et que tu dis, ça juif... Et bah, pourquoi tu me persécutes, hein? Pourquoi tu me persécutes? Voilà, mais il y a toutes les caméras de ses cousins pour te filmer, etc. Donc voilà, c'est juste... Non, mais excusez-moi, je veux dire, après, les mecs sont là en train de s'étonner, mais c'est bizarre, hein, à chaque fois que ce peuple a foutu les pieds quelque part, il s'est fini pour gromer, peu importe le pays, peu importe l'époque, peu importe la culture. Il faut être aimable. Voilà, c'est ça. Oui, non, mais 109 pays, hein, je crois qu'ils se sont fait expulser de 109 pays. Plus que ça, plus que ça. Plus que ça. Et sur Wikipédia. Oui, du coup, Captain, tu voulais dire quelque chose? Non, je disais, c'est tout à l'honneur de ce bon vieil Ahmed d'avoir justement tenu aussi longtemps. Et il a, pour un bonion, j'ai envie de dire, il a une certaine forme de maîtrise de lui, quoi. Oui, c'est très étonnant, oui, c'est vrai que pour une fois, putain, ils ont quand même réussi à foutre en l'air un des rares bouilloules qui était capable de se tenir, tu vois. Non, mais... Bon, mais c'est pour dire, quoi, ouais, voilà. C'est pour dire. Alors, oui, alors vous avez remarqué que Léon est parmi nous, il nous a rejoint, ça faisait un moment, salut Léon, bonne année à toi Léon. Eh ben, bonne année à toi, bonne année à tous les citoyens participatifs. Bon, alors peut-être toi du coup depuis le Québec, peut-être que tu as envie de nous dire quelque chose sur la condamnation à un an de prison ferme d'Alain Soral pour avoir ah oui, il y a l'autre truc qu'on n'a pas parlé. Il a dit que en fait la procuratrice, hein, donc ils disent procureur, donc madame le procureur, était une salope. Voilà, il a dit ça. Donc ça participe de sa condamnation, donc représenté donc par un avocat juif. Qu'est-ce que tu en penses, Léon? Ben, je crois que la condamnation est tout à fait inique. Dieu sait que j'en ai pas ménagé mes critiques sur Alain Soral, spécialement après le guet-apens tendu à Conversano et cette ridicule mise en scène qui consistait tout simplement à l'amener dans un endroit clos et pouvoir lui casser la gueule devant la télé. Alors qu'en Occident, il existe une tradition de débat où on donne implicitement un sauve-conduit à l'adversaire, où on garantit sa sécurité. Mais bon, passons, tout le monde connaît l'histoire. Ceci dit, ce n'est pas une raison pour lui souhaiter de la prison pour avoir exprimé des opinions. Des opinions qui sont, ma foi, souvent fondées sur des faits et qui peuvent être documentées aussi. Donc, ce n'est pas en soi un épisode de haine manifestée qui a qu'un seul but, qui a comme seul objectif d'être malicieux. Au contraire, et je n'ai pas qu'il puisse y avoir de la malice chez Alain Soral. Je sais qu'il y en a. Mais il reste quand même que condamner Alain Soral à un an de prison pour ça, alors que d'autres font des menaces de tuer, par exemple, des Blancs, et qui se prennent une petite tape sur la main, un petit rappel à la loi, ça montre une chose, c'est que la condamnation de Soral est essentiellement politique parce que Soral a une énorme capacité de nuire à l'establishment français. C'est comme ça que je décode sa condamnation. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour toi et pour n'importe qui d'autre qui tomberait dans leur filet. C'est bien résumé, je trouve. C'est bien résumé. C'est bien oui, bah, c'est... Bah, je profite de ce que tu dis pour rappeler que le nègre Nick Conrad, c'est on a un rappeur en France, enfin, oui. Un nègre qui fait du bruit avec sa bouche. Tu dis on a un nègre en France. Bon, je précise quand même. Alors Dieu sait qu'il y a des nègres qui ont la nationalité française, mais celui-là ne l'a même pas. Hein. Oui, je crois que parce que c'est un fils de diplomate, il me semble. Oui, donc français par procuration. Attention, tout le monde il est français là. Oui, de toute manière, oui, tout le monde est français du moment qu'il est nègre. Mais donc ce nègre-là avait fait un clip qu'ils appellent musical, dans lequel il appelait à tuer les Blancs, surtout les bébés, tu vois, d'aller dans les... Pendre les Blancs. Voilà, c'est le nom de la chanson. C'est le nom de la chanson, donc tu voilà. Avais... Pendre les Blancs. Tu avais un appel au génocide pas du tout masqué, et, on en a parlé la semaine dernière, hein, 5 000 euros d'amende et du sursis. Non, 5 000 euros d'amende avec sursis. Avec sursis. Oui, il n'y a même pas eu de prison, en plus, c'est que de la... Ah ouais, bon, voilà, sale juif. Voilà, oui, c'est bien, sale juif. Qui d'autre là-dessus? Qui veut exprimer une opinion? Non, personne d'autre? Bon. On peut peut-être faire remarquer quand même que le combat de Soral, ça démarre en 2008. Avant quand même, parce qu'il y a tout son passage télé, tu sais, avant. Oui, mais je pense que c'est le moment où il a sorti un petit peu, justement, de la télé. Oui. C'est vers 2008 où il a commencé à fonder Égalité et Réconciliation. Et c'est vrai que bon, il aura fallu 10 ans pour qu'il lui mette de la prison ferme. Il y en a d'autres qu'on a pris avant, mais c'était pas pour des propos antisémites. Je le ferai remarquer. Qui c'est qui ça? Je veux pas citer de nom, mais j'ai remarqué que certains avaient pris parfois de la prison ferme pour des propos qualifiés de racistes. Non pas d'antisémite, mais... D'accord. Oui, c'est vrai, c'est juste. Oui, là, on voit qu'il y a une dynamique de la répression qui est lancée, là, très clairement. Ça s'étend, ça s'élargit. Ce qui traduit généralement, en fait, hein, une perte de contrôle, en fait. Hein. C'est quand on réprime, c'est parce que on veut essayer de reprendre le contrôle sur une situation qui nous échappe. Hein. Il y a des éléments qui deviennent trop... Voilà, donc il faut neutraliser. Et on espère que les masses... justement, se tairont par voie de conséquence, quoi. Enfin, ne suivront plus ces gens. Donc, en fait, c'est pas du tout un mauvais signe. Moi, c'est pas du tout comme ça que je l'interprète. Ça fait partie de ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Le pilier qui est la religion de la Shoah, c'est frites. Ça, c'en est encore une manifestation. C'est-à-dire que c'est une tentative de. la maison brûle, tu vois, la maison s'écroule. Et on arrive avec vite du ciment prompt pour que ça se casse pas la gueule. Ça, c'est typique. Hein. Je veux dire, il faut savoir que bon, tous les systèmes ont deux composantes. Je l'ai déjà dit, je le répète, et il faut le répéter. Il y a la dimension religieuse, d'accord, et donc ce qui édicte le licite de l'illicite. Chez les sémites, c'est le pur de l'impur, d'ailleurs, notamment chez les musulmans, mais c'est vrai chez les juifs aussi. Et ensuite, il y a le pouvoir politique, c'est-à-dire ceux qui appliquent. Et comment dirais-je, quand vous voyez le pouvoir politique de plus en plus sollicité pour justement rappeler aux masses, aux populations, que ça, c'est licite, ça, c'est illicite, et que ça se traduit par des sanctions, ça veut dire que ce n'est plus aussi clairement établi dans l'esprit des masses. C'est-à-dire que ce qu'on appelle traditionnellement des tabous tombe. Et ça, c'est une spirale dont aucun pouvoir ne peut sortir intact. Hein, je veux dire, c'est une spirale. C'est-à-dire que plus est déconsidérée l'autorité morale, ou ce qui en tient lieu, s'effrite. Bon, bah, vous la connaissez, on en a parlé, on va pas y revenir. Plus le pouvoir politique, le bras séculier, si vous voulez, entre en action, hein, pour taper sur les têtes qui dépassent, etc. Et évidemment, ça, c'est le fait d'un affaiblissement. Donc plus ils tapent sur des gens, plus les gens perdent confiance dans l'autorité morale qui décrète cette répression, plus cette autorité morale appelle le bras séculier à réprimer, etc. etc. Hein. Et au bout d'un moment, le truc tombe complètement et en fait, c'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que ces gens-là se font courser dans les rues à coups de cailloux. Quoi. C'est comme ça, historiquement, c'est comme ça que ça se passe. Alors, ce que je pense, c'est que le pouvoir juif est fini. C'est fini. C'est fini. Maintenant, on peut discuter sur la durée, si vous voulez, de la chute, quoi. Mais c'est fini. C'est terminé. C'est complètement terminé. Bah, oui, maintenant, il ne peut plus y avoir que la répression pure, quoi. Il ne peut plus y avoir que la répression pure. Les gens ne vont pas tout d'un coup redevenir des laudateurs des juifs et en avoir quelque chose à foutre de la Shoah, quoi. Tu vois, s'ils commencent à faire des blagues là-dessus, bon. La sacralité, ça, c'est pas quelque chose qui revient comme ça. Il est temps de devenir un vrai sioniste et de songer à l'alia de groupe. Vie. Voilà, c'est ça. Voilà. L'alia de groupe. Nous prenons notre part. Hein, c'est un vrai projet. Chaque voyage organisé, démocratie participative, prend sa part. Une réduction. Voilà. Je crois pas que le Likoud se plaigne de notre politique. Non. Hein. Bon. Donc voilà pour l'affaire Soral, qui va appeler d'autres vagues, parce que, comprenez bien, hein, ça commence avec, c'est marrant toujours, ça commence avec des gens qui sont pas forcément connus, ça remonte un peu, on tape sur des têtes plus connues, puis ensuite ça redescend. C'est-à-dire qu'on, là, on va vraiment commencer à traquer l'antisémite de bistrot, hein. Ça va y aller, hein, je vous assure. Hein. C'est-à-dire que vous allez avoir d'ailleurs, Détanger a plus ou moins été soupçonné d'antisémitisme, ils ont pas réussi à trouver un commentaire d'antisémitisme sur son Facebook, mais je veux dire, ils auraient trouvé, peut-être un like. Et oui, il a liké une photo de Marion Maréchal, ex. Ouais, mais ça c'est trop light. C'est trop light. C'est-à-dire qu'il aurait fallu qu'il like, je sais pas, une. Imagine n'importe quoi. Il like une vidéo de Forisson. Ça y est, c'est terminé le mec. Ah, oui, qui oui. Prend 7 enfermes, d'accord. Voilà, c'est vers ça qu'on va. C'est-à-dire que maintenant, le moindre mec qui fera une blague sur les juifs au comptoir, il sera considéré comme Eichmann. Voilà, il faut avoir conscience de ça, c'est l'irrationalité propre aux juifs, c'est comme ça. Et c'est ce qui explique la force motrice de ce système qui intensifie comme ça sa répression. Parce que celui qui ne comprend pas la question juive regarde ce système, il se dit « mais c'est bizarre, pourquoi ça réprime plus maintenant les prises de position politiques, les discussions, les débats, qu'il y a 5 ans, ou qu'il y a 10 ans ? Et pourquoi sur certaines questions plus que sur d'autres ? Vous voyez ? Oui. T'en as qui te disent, oui, les juifs sont comme ça parce que oui, bon, mais de fait de leur histoire, ils ont des comportements particuliers. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, c'est ça. Non. Donc là, les gens vont le constater, et bon, c'est comme ça, hein, mais ils vont le voir, et c'est la traduction en temps réel, hein, je veux dire. D'ailleurs, de toute façon, il suffit de comparer, en fait, la puissance de nuisance. Bon, pourtant, il y a un lobby musulman, mais le lobby musulman, si vous voulez, il se fait au coin de la rue par les dealers de shit, par les gangs de violeurs, les trucs comme ça. Oui, ça, c'est le lobby musulman, vous voyez, c'est un lobby différent, quoi. Ça marche pas pareil. Ils vous font chier au coin de la rue, ils sont une vraie nuisance, d'ailleurs. Mais il y a le lobby institutionnel. Enfin, il y a le lobby horizontal, c'est les bougnoules. Puis il y a le lobby vertical, c'est les juifs. Voilà. Et entre les deux, c'est la pince sémitique, vous êtes coincé, quoi. Voilà. Vous, l'Arien, le blanc, quoi. Donc voilà, il suffit juste de le comprendre. Une fois que vous avez compris ça, hein, le principe du lobby vertical, du lobby horizontal, vous avez tout pigé. Voilà. Et si vous l'êtes en public, un des deux lobbies va s'occuper de vous. Voilà, c'est la France libre. Oui, la France libre. Oui. La France libre, hein, voilà, la France libre. J'ai vu qu'Alain Soral, lui, a préféré parler de France juive. Oui. Bon, écoutez, hein, on peut penser ce qu'on veut de Soral. J'irais du mal quand même, surtout en mémoire du grand Drummond, de dire absolument du mal de quelqu'un qui prononce le terme de France juive. Excusez-moi, je n'y arriverai pas. J'aurai des réserves, des critiques, des oppositions, parfois très nettes. Mais bon. Alain Soral cite maintenant quand même la France juive. Ça fait du bien, ça fait du bien, comme je dis, à la suite du grand Drummond, quoi. Hein, voilà. Oui, quelqu'un d'autre là-dessus, ou bien ça fait du bien, surtout, d'entendre... oui, un peu de vérité, oui. Oui, de lire un petit peu de vérité. Hein. Enfin, ces juifs sont absolument puants, et c'est le cas de plus en plus. Chaque jour, ils sont plus puants que la veille. Donc oui, nous, pour ce type de position, effectivement, c'est quelque chose que nous apprécions. Ouais. Alors on va changer complètement de sujet et on va parler femmes d'intérieur, messieurs, femmes d'intérieur, avec un sujet hautement controversé, en tout cas chez certains. C'est à l'occasion de la parution d'un livre récent. Hein, qui, je crois, là je parle sous le contrôle de MacDav, est même en tête de gondole, où ça, à la Fnac ? Oui. Donc, dans la Fnac, j'ai trouvé un livre assez anodin, je l'ai vu également sur des sites de téléchargement d'e-book, qui s'appelle La magie du rangement. Alors, j'avais pas, on va dire, retenu le nom de l'auteur, mais bon. Je l'ai feuilleté un petit peu, ça m'a pas forcément plu. Et j'étais quand même très surpris de voir ce genre de livre entre des montagnes de bouquins de développement personnel et de chienlit féministe. Donc ça m'a un petit peu surpris. Et puis j'ai découvert que Netflix faisait la promotion d'une japonaise qui s'appelle Marie Kondo, et qui apprend aux femmes occidentales, aux américaines, à prendre soin de leur foyer, de leur ménage. J'étais très surpris, et j'aimerais que les Françaises en prennent de la graine. Ah ! Alors, voilà, moi, les choses sont dites. Comment dirais-je ? Derek. Oui, alors c'est Marie Kondo, hein, c'est pas Marie Kondo, Marie Kondo. Il y a beaucoup de nanas qui regardent Netflix, hein, des séries, je sais pas, moi, sur des transsexuels qui vont sauver le monde ou je ne sais quoi. Avec de la glace, avec de la glace. Avec de la glace, pourquoi pas. Ah bah si. Ah oui, Agendas, oui, c'est vrai que ça bouffe de... sans glace, tu fais pas de graisse, hein, excuse-moi de te le rappeler. Hein. Oui, exact, c'est exact. Voilà, si vous connaissez des spécimens de ce genre-là qui sont sur Netflix, obligez-les sous la contrainte, hein, nous ne sommes pas physique. Voilà, physique. Vous pouvez utiliser un harpon. Vous pouvez utiliser un harpon, effectivement, pour lui, je suis à chasse, la chasse à la baleine, et ça fait ton surtout oui. De la japonaise, hein, on est d'accord. C'est ça. Bah oui, c'est vrai que ça donne cette impression-là, quand même. C'est il faut les obliger à regarder ça, quoi. Il faut qu'elles comprennent qu'elles sont malheureuses, et que, voilà, en faisant du rangement, les choses vont s'améliorer. Alors, on va rentrer dans le détail, en fait, du livre, et de cette... Je sais pas, c'est pas vraiment une, c'est pas une série, c'est pas un documentaire. Comment on pourrait appeler ça? Je sais même pas. Parce que c'est en plusieurs épisodes, hein. Bah, ça ressemble un petit peu à toutes ces émissions. Genre, on en avait une en France, des émissions ou de. Super Nanny. Voilà, oui aussi. Oui, mais... oui, t'avais C'est du propre aussi. Mais c'est du propre. Voilà. Bon, c'était réservé aux tarés, quoi, psychopathes. Mais là, c'est quand même beaucoup plus apaisé, quoi. Hein. C'est quand même quelqu'un qui vient pour avoir un résultat concret. Enfin, c'est très, très carré. Alors, écoutez, la meilleure façon de présenter ça à nos auditeurs, c'est de lire encore cet article du Monde qui revient là-dessus. Et bon, en fait, qui parle donc de cette désolé, je vais dire une série, mais le terme n'est pas vraiment... Bon, c'est une série. Hein, ouais, c'est une émission. Hein. Oui, cette émission, voilà. Oui, disons ça comme ça, voilà. Donc cette émission, qui revient sur cette émission, et je crois que ça va cristalliser à peu près tous les... Enfin, la priori, quoi, médiatique française sur la question, et surtout de certaines françaises. L'art du rangement avec Marie Kondo, une maison en ordre. Donc je cite le journal Le Monde, hein. Auteur du best-seller La magie du rangement, la japonaise Marie Kondo s'invite dans des foyers américains pour leur venir en aide. À défaut de l'avoir lu, la majorité d'entre nous a probablement déjà vu passer un exemplaire de La magie du rangement de la japonaise Marie Kondo lors d'un déballage de cadeaux de Noël. Publié en 2011 dans sa version originale, donc en japonais, ce premier opus d'une série de 4 livres consacrés à l'art de ranger, entre guillemets, s'est vendu depuis à plus de 6 millions d'exemplaires. 6 millions! En plus de 40 langues. Pour continuer à faire fonctionner la machine à cash, KonMari Netflix propose, depuis le 1er janvier, date bien trouvée pour coïncider avec la prise de bonnes résolutions, une déclinaison en télé-réalité de la magie du rangement avec Marie Kondo. Alors, vous notez que ça commence déjà, là, c'est une arnaque financière. Hein. Bon, 6 millions, arnaque financière, vous en pensez ce que vous voulez. Chaque épisode de la première saison, dont on ne sait si elle aura une suite, se situe dans un foyer californien, Marie Kondo ayant quitté le Japon pour les États-Unis. Il peut s'agir d'un couple, avec ou sans enfant, ou d'une personne vivant seule, habitant depuis plus ou moins longtemps une maison dans laquelle s'entassent tout et n'importe quoi, les femmes penchant plutôt pour les vêtements, les hommes pour des collections d'objets inutiles. Le désordre accumulé se révèle si décourageant que les habitants appellent au secours celle qui, non seulement vient à bout des armoires les plus mal organisées, mais donne l'impression d'y prendre du plaisir. Notez bien, hein, donne l'impression. Avec son teint, son sourire et son gabarit de poupée, la consultante en rangement, son titre officiel, vient donc dans chaque maison, bienveillance en bandoulière, remédier au désordre. Ordre, mais aussi redonner un peu de joie à des Américains moyens déprimés. Si l'art du rangement a un intérêt sociologique, c'est bien de mettre en évidence à quel point nous, occidentaux, sommes doués pour nous encombrer d'objets superflus. Alors attention, là ça arrive, l'interprétation. D'objets superflus, corollaires de nos habitudes consuméristes. Mais au-delà de ce que peut apporter toute télé-réalité pardon, est bien ficelée, à savoir la joie mauvaise de constater qu'il existe toujours pire que soi, cette série a le défaut de prétendre décliner en 8 épisodes un concept qui tient en 2 paragraphes, voire 2 phrases. Débarrassez-vous de tout ce qui est dans votre maison, Débarrassez-vous de tout ce qui dans votre maison ne vous inspire pas de la joie, mais remerciez quand même l'objet pour ses bons et loyaux services avant de le jeter, et pliez votre linge en suivant un rituel complexe pour en faire de tout petits coussins que vous pourrez aligner dans vos tiroirs et gagner ainsi de précieux espaces supplémentaires. Vous n'avez rien compris ? YouTube regorge de tutoriels sur le sujet. Même si le concept d'objet comme facteur de joie inspire à la série une des séquences les plus drôles, un couple gay soupesant des objets les uns après les autres en se demandant si la dose de joie ressentie mérite qu'on les garde, la répétition des séquences, accueil, mise à plat du bazar, rangement, satisfaction collective, suscite un ennui massif une fois les 2 ou 3 premiers épisodes visionnés. Le pire restant néanmoins ce constat édifiant en 2019. Celui de la place toujours prépondérante occupée par les femmes dans la gestion des tâches quotidiennes. Ah, même... horrible. Même... même quand elle a l'air de n'avoir pas plus de 35 ans, la femme apparaît encore systématiquement, notez bien, systématiquement hein, en Occident, comme la chef d'orchestre du foyer. Pire, c'est elle qui assume la responsabilité du désordre. J'ai le sentiment d'échouer, confie ainsi Madame Friend dans l'épisode numéro 1 face à ses piles de linge. Même son de cloche du côté de Madame Mercier dans l'épisode numéro 3, qui estime avoir déçu sa famille. Comme s'il fallait réussir son rangement, comme on réussit sa vie. Le journal, donc, Le Monde, qui encourage les Françaises à rester de grosses poufs feignantes, infoutues de ranger leur chambre, leur piole, tout ce qui s'ensuit, quoi. Alors, les amis, si je peux me permettre, j'oublie. Alors, trois remarques, hein, avant que je les oublie. Premièrement, pour une fois que le chiffre 6 millions n'est pas rapporté une arnaque financière, réjouissons-nous. Bah, ils ont dit que si. Bah oui, mais juif qui parle, juif qui parle, juif qui ment, pour une fois, les 6 millions, c'est pas une arnaque financière, tu vois. Malgré ce qu'on dit dans Le Monde. Il y a une utilité. Deuxième point que tu voulais faire observer. Deuxième point. Le mari de cette journaliste devrait suivre le conseil qu'elle décrit dans l'article, à savoir. Marie devrait se débarrasser de sa femme journaliste parce que je ne pense pas qu'il puisse en tirer beaucoup de plaisir, ni de joie. Voilà. Ah, pourquoi ça m'intéresse, ça? Pourquoi? Bah, parce que quand t'as une vieille rombière comme ça, casse-couille. Alors, attention, je t'arrête tout de suite. Hein. Je suis même pas sûr qu'elle soit vieille, j'en suis même pratiquement certain. Oui, elle doit être jeune, mais le terme vieille rombière, pour moi, c'était plus au niveau de l'état d'esprit que l'âge véritable de la personne, en fait. D'accord. Parce que cette meuf est une grognasse finie, quoi, je veux dire. Elle pourrait faire 1m80, être gaulée comme la pire des bonasses. Ça reste une connasse, quoi. Pourquoi? Donc, détaille un peu. Pourquoi? Bah, forcément que c'est une connasse. Regarde. Qu'est-ce qu'elle dit, en fait? Elle casse du sucre sur le dos de cette Marie Kondo et de l'émission, du bouquin, tout simplement. Pourquoi? Parce que ce bouquin remet à leur place les gonzesses et leurs prérogatives, en fait. C'est-à-dire que tu as une connasse d'occidentale féministe à qui on a dit qu'elle était la huitième merveille du monde. Que aucun homme n'était assez bien pour elle, patati patata, qui refuse d'assumer son rôle dans un couple, en fait, ou même tout simplement son statut de femme. Parce que de tout temps, et dans quasiment toutes les civilisations, les femmes ont toujours eu la même place dans la société, en fait. C'était les procréatrices, les mères, celles qui tenaient le foyer, ou collectivement qui avaient d'autres responsabilités, mais elles n'avaient pas les mêmes rôles que les hommes, c'est normal. Parce que les différences biologiques... Des différences biologiques découlent des différences au niveau des rôles tenus dans l'organisation sociétale. Et donc, donc tu as cette connasse qui va cracher sur la japonaise, parce que les japonaises... Alors, il y a des problèmes au Japon, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont célibataires, qui restent vierges très longtemps, beaucoup de gens qui ne sont pas mariés, il y a plein de choses. Mais les femmes japonaises sont quand même encore... malgré la modernité, entre parenthèses, avec trois parenthèses à chaque côté, restent encore féminines. Je veux dire, ceux qui sont partis en vacances au Japon, qui ont côtoyé des Japonais et des Japonaises, ou qui ont vécu là-bas, vous le diront. Personnellement, c'est mon cas. Et je sais que, bon, c'est pas des blancs, c'est sûr, mais quand on est au Japon, les choses sont à leur place, en fait. Vous êtes reçu dans un foyer. Moi, je suis allé en week-end chez des amis, en fait. J'étais reçu chez les parents de mes amis. C'était la maman qui préparait à manger. Tout était hyper bon. Le père, lui, il vaquait à ses occupations de paternel. Bon, c'était pas le match de foot avec la bière à côté, hein, mais c'était de ce genre de choses. Et tout, mais tout roulait sur des roulettes, quoi. Et puis il y avait pas d'animosité dans le couple. Il y avait pas de oui, tu m'aides pas à faire les tâches ménagères, la charge mentale. Non, c'est pas comme ça là-bas, quoi. Donc en gros, t'as juste une connasse de française qui en plus est journaliste et fait partie d'une caste privilégiée, qui essaye de descendre une émission en disant non. En gros, ce qui est sous-jacent, c'est putain, espérons que ça prenne pas ici, parce que j'ai pas envie de devoir me taper les tâches ménagères, quoi. J'ai pas envie de redevoir faire ce que toutes mes aïeules avant moi ont fait, quoi. C'est-à-dire être une femme, une vraie femme, et non pas une connasse qui se prend pour un bonhomme parce qu'elle fait de la boxe deux fois par semaine, quoi. Oui, oui, une nana privilégiée qui n'a pas, enfin, qui prétend être un mec et donc qui peut comme ça esquiver ses responsabilités. Parce que c'est ça en fait, hein, c'est de pouvoir glander en prétendant être à l'avant-garde, alors qu'en fait, c'est jamais du glandage. Hein. Ça, c'est ça en fait, hein, le féminisme, c'est ça. Hein, c'est comment, et, comment resquiller en, en ayant l'air d'être progressiste. C'est une connerie, ça. Hein. C'est ça le féminisme, hein, c'est une escroquerie totale. Hein. Bien entendu. Et d'autant plus que c'est encore plus une arnaque que les premières féministes, et même beaucoup d'entre elles par la suite, étaient quand même issues des classes privilégiées. Alors les suffragettes, ou même Simone de Beauvoir et compagnie, elles n'étaient pas issues du prolétariat. Ce n'étaient pas des meufs qui, tous les matins, devaient aller travailler, pointer à l'usine. Oui, en effet, en effet. Alors, sur ces, l'article du Monde sert un peu de base de discussion, de comment reçoit, on va dire déjà, l'intelligentsia française. Hein. Je suis très généreux quand je dis intelligentsia, franchement. Attends, si je peux te couper. Ouais. Il y a un truc que je voulais rajouter, c'est que la méthode qu'elle emploie pour discréditer, en fait, pas tant le bouquin, mais l'émission, c'est qu'elle elle parle du, de la redondance des émissions. Mais, oui. Excusez-moi. Excusez-moi, qui n'a jamais vu Cauchemar en cuisine? Qui n'a jamais vu Stéphane Plaza avec ses rénovations d'appartements puis les ventes? Tous les concepts, enfin toutes ces émissions-là fonctionnent sur un principe, c'est toujours la même chose qui est déclinée ad vitam, enfin à foison, quoi, ad libidum, sur un nombre de saisons, et puis voilà, quoi. Donc c'est se foutre de la gueule du monde. Oui, c'est pas d'argument, observé. Effectivement. Oui. Observé, oui. Derrick, alors Derrick, tu as vu la première émission de la première émission de Marie Kondo sur Netflix. Alors je te demande pas de la commenter celle-là spécifiquement, mais donc tu sais de quoi il s'agit. Alors entre ce qu'a dit comment dirais-je Captain, ce que dit l'article du journal Le Monde ou même plus généralement du sujet, qu'est-ce que tu veux nous dire? Surtout par enfin. Ce que je veux en dire, c'est surtout par rapport à comment son arrivée est perçue, et puis ce qu'elle apporte, hein, notamment là au premier couple là, qui est dans l'émission. Bon, déjà, on parle d'un couple, d'une femme blanche, d'un homme blanc et des enfants blancs. Donc déjà, on part sur des bases saines quand même. Hein. C'est pas... Y a pas de... oui. Alors, oui, apparemment, il y a une émission avec des pédales, hein, de ce que je peux comprendre. Il y en a peut-être d'autres avec des nègres ou des trucs comme ça. Mais bon, là, bon, on part sur rien de plus typique, hein, un couple et deux enfants. C'est assez marrant, parce que tu as une nana qui... les rôles sont inversés, en fait. Hein. La nana est absolument bordélique. Elle dit elle-même qu'elle... Ouais, elle s'en fout, quoi. Et que c'est le mari, lui, qui est très tatillon, qui essaie de remettre un petit peu en place. D'accord. Le couple est un petit peu malheureux, quoi, tu vois. Ça va pas. Ils ne se sentent pas très bien. Et bon, tu as l'arrivée de Marie Kondo, qui rééquilibre, hein, la chose. C'est-à-dire que ça met en place des rites, ça me paraît un petit peu fort, mais ça, oui, c'est un petit peu ça quand même. Une discipline, même pas une discipline. Une discipline, ouais, d'accord, oui. Pour l'homme et la femme, hein. À quel titre qu'est-ce que tu veux dire? Il dit une discipline entre l'homme et la femme. À quel titre? Ça se passe où, ça? Par rapport au rangement de ses propres affaires, au rangement des affaires en général, et des tâches. Oui, c'est ça que tu dis. Il y a le mec qui est soucieux du truc, la femme s'en branle, donc son boulot, quand elle arrive, elle va essayer de remobiliser la nana en disant bon, ça te concerne un peu aussi quand même. C'est ça que tu veux dire? Non, mais pour le coup, elle se sent quand même. Elle voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, ça m'a surpris d'ailleurs. C'est assez. Dans la réalité, c'est très peu le cas, hein, en fait. Donc là, la nana est consciente d'entrée, elle te dit bon, ouais, je sais que ouais, je suis comme ça, et bon, c'est vrai que c'est pas terrible. Donc bon, il y avait déjà une prise de conscience assez surprenante, en tout cas, mais qui était là. Et en fait, donc du coup, ça, ça rééquilibre. Bon, les féministes, en fait, ne sont pas contentes. Moi, limite, le partage des tâches, oui, bon. Ouais, quelles tâches truc. Ça dépend aussi. Oui, voilà. Non, parce que là, qu'est-ce que recouvre là, c'est le mot tâche? Ça veut dire changement du moteur de la bagnole, qu'est-ce que ça... Oui, voilà, c'est très bien, voilà. Le partage des tâches qui va jusqu'au moment où on doit porter les trucs lourds, quoi. Bon, non, mais c'est ça le truc. Enfin bon, faire la vaisselle, je sais pas, mais bon, il y a des trucs. Bon, allez, imaginons, hein, on va dire, bon, on va quand même dire que c'est bien. Elle remet les choses, elle rééquilibre, quoi, elle fait un équilibre, quoi, les gens se partagent en fonction de leur emploi du temps, etc. Et au final, les gens sont très contents. Hein. La nana fait son truc, le mec s'occupe plutôt du garage d'ailleurs, hein, c'est le gars s'occupe du garage, la nana de tout ce qui est le linge et le linge des gosses. Donc oui, c'est ça, c'est plutôt c'est l'homme au garage et tout ce qui est jardin, électro. Électroménager. Ouais, voilà. Bricolage. Hein, bricolage. Le truc manuel. Ça, hein, voilà. Voilà, ça c'est bien. Et la femme pour le reste. Et bon, c'est comme ça que, enfin, nos grands-parents fonctionnaient comme ça, quoi. Enfin, je ne sais pas, hein, mais c'est le modèle sain. Quoi. Alors, modèle du coup, sain. La question, c'est est-ce que notre Marie Kondo la joie dans le couple, son objectif. Oui, voilà, oui, la joie dans le couple est très présente. Elle arrive à obtenir des résultats quand même. Bien sûr, tout à fait. Voilà, fait, hein. Il y a au départ, on les voit et qui ils rament. Hein. Alors, t'as les gosses qui. Même les gosses, c'est marrant, c'est les gosses qui sautent partout dans tous les sens, ils hurlent dans tout. Partout, et quand la maison est rangée, que les parents sont carrés, les gosses aussi. C'est un enseignement que nous devrions prendre en compte. Hein. On ne transmet pas, je sais pas, on va pas sauver l'Occident avec des nanas qui sont complètement imbues d'elles-mêmes, qui ne pensent qu'à faire du. À faire du tourisme au Maroc, par exemple, je sais pas. Oui, voilà. Oui. Et à finir très mal. Finir très mal, ou alors ou alors remplir leurs rêves, on ne sait pas trop. Ouais, voilà. Donc voilà, pour avoir des foyers heureux et des femmes heureuses aussi. Donc l'ordre et chacun l'ordre. À sa place. Exactement. Et donc toi, quand t'as vu les alors bon. Oui, alors il y a l'histoire de du caractère répétitif des émissions. Ouais. Alors, c'est un format, là qui passe sur Netflix, mais ça aurait pu. C'est un truc qui est plutôt destiné. Enfin, qui est plutôt destiné. Le programme M6 qui passe tous les mardis soirs. Ça, c'est typiquement une observation débile. Pourquoi? Parce que c'est censé être quelque chose de pratique. C'est une émission pratique, d'accord. Là, vous voyez, dans... bon, déjà, les femmes journalistes, moi, je peux pas, parce que déjà, pour moi, une femme journaliste, elle peut parler quoi? De mode, de cuisine, ou alors maternité. Voilà, ça s'arrête à peu près à ça. Pour moi, au-delà de ça, c'est l'escroquerie. Je veux dire, voilà, moi, je suis désolé, j'ai jamais lu une journaliste féminine qui m'intéresse sur aucun sujet. Pourtant, j'en ai lu sur les trucs, c'est au mieux, c'est... C'est au mieux, c'est objectif. Vous voyez, d'ailleurs, ça vous transporte jamais nulle part. C'est au mieux, c'est objectif. Ça, voilà, bon, il y en a. Mais voilà, ça va pas non plus bouleverser votre vie, quoi. J'ai jamais vu une journaliste qui apporte vraiment quelque chose d'énorme, énorme, énorme. Mais bon, certains contesteront ce que je dis, donc admettons. Non, le caractère répétitif de ce truc-là. Ben non, c'est un truc pratique. Donc pourquoi j'insiste sur la qualité de journaliste de celle qui critique, c'est qu'elle, elle évolue dans le monde du blabla. Son job, c'est blabla. Matin, midi et soir. Quand on fait un truc pratique, excusez-moi, mais on ne va pas réinventer le bricolage. On ne va pas réinventer le linge, on ne va pas réinventer la tapisserie. Bref, ce sera toujours la même chose. Mais sauf que ceux qui veulent savoir quoi faire, c'est-à-dire ceux qui veulent... se renseigner sur ces questions-là, ils s'en foutent de savoir si c'est répétitif. Ils veulent savoir si c'est bien fait et si c'est ça qu'ils doivent imiter, en fait. Donc, ils veulent le voir. Hein, Je veux dire, c'est comme me dire, putain, les émissions de très chasse, très pêche, c'est vachement chiant. Il y a toujours un mec qui chasse, il y a toujours un mec qui pêche. C'est du même niveau, je veux dire. C'est quoi ce niveau de critique? C'est d'une mauvaise foi insigne. Donc, en fait, comme l'a très bien dit Hoffman, enfin Captain, c'est typiquement l'argument de la grosse feignasse dont l'appartement est inapprochable, hein, sauf par des équipes du GIGN, parce que c'est le bordel intégral. Oui, non, mais voilà c'est fameux. Ou alors, elles ont des domestiques nègres qui font le boulot aussi. Oui. Ça arrive. Oui, parce que comme, bah oui, la presse est subie. Ah bah, le féminisme a un coup, hein. Oui, le féminisme a un coup, et... qu'il faudrait tordre. Ah, mais du coup, ça m'a coupé, tiens, j'ai oublié. C'est pas... Alors... Bon, comment dirais-je je vais peut-être solliciter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose d'abord avant que je lance la discussion sur autre chose? Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose de lui-même? Ouais. MacDav. En fait, la rééducation des jeunes femmes occidentales et particulièrement françaises, c'est pour moi un point fondamental. Nous, tu vois, hommes blancs en France, toute la journée, on se prend de la propagande qui vise à nous rééduquer et à faire des choses que nous n'avons pas à être, que nous n'avons pas vocation à être. Donc je crois que le dernier exemple, c'est la pub Gillette, je crois, où en fait on nous invite à nous sciotiser à un niveau diabolique. Mais alors, quand tu essaies de donner des conseils pratiques à une femme ménagère, tout de suite, c'est patriarcal, c'est méchant, et compagnie. Alors, il y a un nouveau concept là qui a émergé dans la tête des féministes. Et vu que les féministes parlent beaucoup, bah forcément, elles sont écoutées, et puis par capillarité, bah, ça descend jusqu'aux couches les plus basses. Donc, j'ai déjà entendu des connaissances à moi, femmes, parler de ça. C'est la charge mentale. Donc maintenant, en fait, les femmes sont oppressées parce que elles ont plus à penser au foyer que les hommes. Et du coup, elles sont plus stressées et ça les empêche d'accéder à leur plein potentiel de jouissance. Donc en fait, c'est elles, par exemple, qui pensent à payer le loyer. C'est comme si tu pouvais pas sur Internet faire un virement automatique. Non, elles sont surchargées par ça. C'est pareil pour tout, en fait. C'est que les femmes ont beaucoup de qualités. Hein. Moi, je suis pas un mytho ou un incel, hein, loin de là. Mais du point de vue de la gestion macro du foyer, c'est-à-dire éviter d'avoir à faire des tâches répétitives et inutiles, on prend un peu plus de temps, on réagence le foyer, et puis on fait en sorte que finalement avoir un bibelot à la con qui fait de la poussière, c'est pas utile, que peut-être tel robot ménager pourrait nous enlever telle tâche, programmer telle chose pourrait également nous enlever telle tâche. C'est un truc de mec. Et moi, je pense que tous les auditeurs seront d'accord, les hommes, lorsqu'ils doivent s'occuper de quelque chose, généralement sont beaucoup plus productifs que les femmes. Alors certes, et je pense que c'est vrai, les femmes s'occupent encore, on va dire heureusement, plus du foyer, ce qui est une bonne chose, mais c'est de moins en moins le cas, et moi j'en ai juste ras-le-bol de voir des gonzesses de moins de 30 ans qui ne sont plus des gamines, quoi, qui ne savent pas faire à bouffer. Moi, quand j'ai un rencard avec une femme et qu'elle ne sait pas faire à bouffer, c'est rédhibitoire, tu vois. Quand tu cuisines mieux que ta femme, or ça peut être le cas, c'est même souvent le cas. Mais quand une nana sait pas faire un œuf, je veux dire. Ouais, c'est chaud là. Ouais, non, mais c'est à fuir, quoi. Ouais, non, mais ça fait peur. Ouais, non, mais c'est vrai. Bah, l'intérêt d'avoir des qualités énormes à côté, quoi. Pour sauver le truc. Ouais, non, mais c'est ça. En fait, les femmes attendent des qualités de nous qui sont des qualités intemporelles, parce que bon, je pense que quand même. Elles recherchent des hommes qui ont une vision traditionnelle, hein, même si elles ne le disent pas forcément, parce que c'est fasciste. Et Non, mais veulent tout, elle... non, mais quelque chose femmes, à une femme. Les femmes veulent tout et leur contraire. C'est-à-dire qu'elles veulent des hommes qui soient tellement des fiottes qu'ils ne puissent dire non à rien de leur caprice. Et quand ils disent non à rien de leur caprice, ce sont des fiottes, elles n'en veulent plus. Ouais, c'est... Bah, voilà, c'est tout. Ça, en fait. Ouais, elles veulent... C'est comment la blague ? Elles veulent un lion au lit, un bison sur le dos, une jaguar dans le garage et un âne pour payer les factures. Mais comment dire, ça c'est intéressant quand même cette histoire de ménage, puisque en fait, si vous avez à l'esprit le début de l'alliance entre le discours, une forme de discours idéologique sur la question des tâches ménagères et la condition de la femme, vous allez remonter à peu près aux années 50. En fait, on va même arriver aux années 30 en fait. Mais dans les années 50, 60, là, les biens de consommation sont à vendre. Hein. Il va falloir vendre des machines à laver, il va falloir vendre tout ça, quoi. Et on va dire que, et c'est factuel, quoi. On va dire, madame, la femme au foyer, va... vous les trouvez sur l'INA, hein, enfin, les images d'archives nationales, vous allez trouver ça, les publicités d'antan, quoi. Où on va vous dire, voilà, cette machine à laver permet à madame... d'économiser du temps, voilà, c'est un progrès pour la femme au foyer, quoi. On présente ça comme une forme de progrès, c'est un progrès. Et en fait, effectivement, techniquement, c'est un progrès technique. On gagne du temps, madame qui a la charge du foyer peut laver plus vite, etc. Bon. Mais en fait, le processus s'est pas arrêté là. C'est-à-dire que, et ça, ça a été très bon, ça a été dit, redit, mais il faut quand même y revenir. C'est-à-dire qu'on a quand même voulu, d'abord et avant tout, mettre les femmes au boulot. Et on leur a dit, bah, vous allez pouvoir bosser, parce qu'à la maison, vous aurez les machines qui feront le job en un temps tellement record que, de toute façon, vous allez économiser suffisamment de temps pour avoir le temps de faire les deux, quoi. Donc déjà, il y a un intéressement, si vous voulez, à cette espèce de toute cette propagande, parce qu'on l'a subi encore aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est très associé, l'idée d'oppression à l'idée de tâches ménagères. Les femmes identifient ça, c'est-à-dire que la domination de l'homme est identifiée à celle des tâches ménagères. C'est-à-dire, je suis enfermé dans mon foyer, je bosse, machin truc. Et on a présenté le consumérisme, enfin, le fait d'acheter des biens de consommation qui permettraient de d'économiser du temps aux femmes au foyer comme un moyen de libérer la femme de la tutelle de l'homme, d'avoir plus de temps pour elle pour faire ses conneries. Et c'est très drôle, puisque dans l'argument, dans les arguments présentés par le journal Le Monde, on dit l'inverse, en fait. Hein. On dit l'inverse, quoi. On dit, c'est la société consumériste qui nous montre qu'au foyer, on a plein de conneries dont on ne se sert pas, etc. Et en plus, c'est précisé bien en Occident. Alors, excusez-moi, je veux dire, la personne en question, donc Marie Kondo, vient du Japon. Le Japon est une société consumériste. Une société consumériste, une société capitaliste consumériste. Donc c'est un argument qui tombe à plat. Hein, on est, parce qu'on essaye de nous dire, en fait, ce qu'essaye de nous dire celle qui a écrit l'article du Monde, c'est de disqualifier culturellement l'auteur, la protagoniste, quoi, de l'émission, en disant Marie Kondo n'est pas vraiment à sa place parce que c'est une japonaise. Or, nous, en Occident, on surconsomme parce qu'on est des ordures de capitalistes blancs. Donc, finalement, cette Asiate doit retourner dans son pays à la con et qu'elle nous fasse pas chier parce que, de toute façon, chez elle bouffe qu'un bol de riz par jour. Voilà. C'est en gros ce que raconte cette conne. Hein, je veux dire, c'est ce qu'elle nous dit, quoi. Elle nous dit, on peut pas vraiment comparer, vous comprenez. Alors que le Japon, excusez-moi, c'est la troisième économie de la planète. Non, ça surconsomme à fond. Donc, il y a tous ces procédés à la con pour disqualifier le fait de mettre la femme au foyer, quoi. Bon. Et c'est les contre-arguments, historiquement plus c'est un contre-argument, puisque la société capitaliste s'est vantée de doter les foyers de biens de consommation qui allègent les tâches des femmes pour libérer leur temps et ainsi les mettre au travail. Oui, le féminisme ne veut pas alléger les tâches des femmes, il veut que les femmes ne foutent rien. Exactement. Et que, alors, oui, que les femmes ne foutent rien et que si possible les mecs fassent le ménage en tutu parce que oppression oui, de genre, pendant que Fofana, Bourrique, madame, voilà, c'est bon, hein. Voilà. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'en fait, féministe égale nègre, puisque dans les deux cas, les deux veulent profiter de tout ce qu'a créé l'homme blanc sans avoir, dans le cas des femmes, absolument rien à contribuer, en fait, et dans le cas des nègres, tout prendre, y compris nos gonzesses, quoi. Mais j'ai envie de dire, s'ils pouvaient prendre les féministes et se barrer avec en Afrique, ce serait pas forcément un mal. Oh non, ce serait un bien. Alors, j'ai quelque chose que je voudrais vous soumettre, et je là à votre discussion. Est-ce que vous saviez que dans les années 50 en France, jusqu'avant la révolution merdique de 68, instigée par les juifs, dont Cohn-Bendit et toute la clique, est-ce que vous saviez que les filles... D'abord que les écoles n'étaient pas mixtes. Vous le savez. Oui. Bon. Est-ce que vous saviez que les filles apprenaient les tâches ménagères à l'école? Oui. Dont la couture? Oui, la couture et même le repassage, ce genre de truc, quoi. Eh ben, moi, je l'ai vu concrètement dans ma famille, avec des personnes plus vieilles que moi, des femmes. Eh ben, elles étaient capables de coudre des pantalons. Elles étaient capables de réparer des objets, je sais pas, au fer à souder, etc. On leur avait appris. Parce qu'on avait pensé, en France, c'est pas une société islamique. Qu'on vienne pas nous raconter de crack, là. Hein. Moi, ce dont je suis en train de vous parler, c'est la 4ème République, hein, en France. Ok ? Je suis pas en train de vous raconter un royaume qui existait jadis quelque part, très très loin, en Europe du Nord. Hein. Non, non, c'était en France. Il y a une cinquantaine d'années. On apprenait aux filles la couture. Pourquoi? Bah après, quand elles allaient dans un couple, les pantalons de monsieur, on allait les réparer. Hop! On les reprise. Vite fait, bien fait. On a un petit souci électrique. Un petit souci avec un câblage. Voilà. Même madame peut toucher un petit peu. Voilà. Alors, pas attention, hein, c'est pas un travail d'électricien. Mais hop, on pouvait retoucher un petit peu. Et tout ce genre de choses. Je parle même pas de la cuisine. Bon. On apprenait ça aux filles. C'était sur leur temps à l'école. Je vous mets au défi. Et là, je parle à tous nos auditeurs. Masculins, surtout. Est-ce qu'une société qui a vocation à fonctionner normalement ne doit pas remettre ces choses au goût du jour? Moi, je vous le dis, oui. Oui, c'est mieux que d'avoir des gamines de 14 ans habillées comme des pétasses avec des piercings dans le nombril à remuer leur cul devant Karim. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Absolument. Il faut à tout prix supprimer l'éducation mixte filles-garçons. Qui est une catastrophe, surtout au collège. Ça, c'est la pire catastrophe. Je pense que pour les garçons et les filles. Hein. Et je pense que pour les garçons, c'est peut-être un peu plus catastrophique parce que les petites filles, évidemment, essaient d'attirer leur attention. Les garçons leur donnent, et vu que la mode, c'est de jouer au clown et au nègre. Eh ben les petits garçons jouent aux nègres pour essayer d'avoir un petit peu d'attention de jeunes filles de 13-14 ans. C'est une catastrophe. Par contre, madame, le seul pépin que je vois dans tout ça, c'est que à l'époque, quand les écoles étaient séparées, garçons et filles pouvaient se retrouver dans un lieu commun au moins une fois par semaine, c'est-à-dire l'église. Et il y avait aussi des activités communautaires organisées par les paroisses. En tout cas, je ne sais pas en France, mais au Québec, c'était comme ça. Ce qui fait que ce n'était pas deux silos évolutifs, un pour les garçons, un pour les filles, mais il y avait des occasions de se retrouver. Il y avait les danses communautaires à la paroisse où tout était supervisé pour rester dans les limites du bon goût. Mais ça permettait un jour aux garçons et les filles de se retrouver. Maintenant, ce sont les seuls endroits où ils peuvent voir, en admettant qu'on retournerait à l'éducation en silo, les seuls endroits où ils pourraient se retrouver, c'est dans des lieux de perdition, des lieux non supervisés. Et là, on va se retrouver avec les pires abus. Et puis, aussi le phénomène d'androgynisation. Vous mélangez les sexes, c'est comme mélanger les hormones, quoi. Je veux dire, vous mélangez les testostérone. Vous avez une confusion des genres. C'est-à-dire qu'avant d'imaginer une rencontre entre un garçon et une fille, il faut d'abord que le garçon il soit vraiment trempé dans sa masculinité, je veux dire. Quand vous concentrez des garçons ensemble, on les connaît, on en est. C'est parfois lourd, hein, faut pas se cacher la vérité, mais ça forge les carafons. Ça les forge. Et ensuite, quand ils sortent de ça et qu'ils rencontrent le beau sexe, bah, ils savent qui ils sont. Ils savent qu'ils sont des mecs. Alors que quand t'es déjà un minet, 12 ans, machin, t'es avec des nanas, elles viennent te montrer leurs conneries, parce que c'est ça, surtout avec les smartphones, machin. Elles disent « Oh, t'as pas vu, lui, le dernier clip de machin ?» Évidemment, elles ont des goûts de femelle. Donc c'est pas un mec ultra dur, tu vois, c'est des trucs un peu minet, tu vois, 12, 13 ans, tu vois. Donc le mec, il va essayer de se conformer au minet, qui est à la mode. Donc il y a une espèce de pédalisation des mecs et de masculinisation des femmes, qui est induit par la mixité sexuelle, quoi. Alors c'est un tout petit peu à côté de ce qu'on disait, mais c'est quand même sur les fonctions fondamentales des deux sexes. Et c'est évidemment lié à l'éducation. Évidemment, c'est lié à l'éducation. Et à l'éducation, moi je pense qu'à l'école, enfin c'est même pas que je pense, ça a été souvent le cas, mais on avait une éducation qui avait une vocation pratique. C'est-à-dire qu'on n'était pas... Je veux dire, on a quand même parlé la semaine dernière, il y avait Alexis qui nous en a parlé, il nous avait dit que les dégénérés de l'éducation nationale avaient au programme de foutre la philosophie. Je ne sais plus si c'était en primaire, je crois que c'était en primaire, en école primaire. Bon, enfin, c'est délirant, quoi. C'est-à-dire qu'on va mettre du Kant avec des gamins de 6 ans, bon, c'est absurde. Et pendant ce temps-là, en fait, des gamines de 15 ans ne savent pas repasser. Voilà, ça c'est l'Occident. Ah oh, bon, qu'elles ne sachent pas repasser. Oh, c'est vrai que c'est gênant. Non, c'est un gênant. Problème. Mais le... oui, c'est gênant. Il faut qu'on parle quand même du péril majeur chez les jeunes filles. C'est qu'elles ne savent pas faire à bouffer. Elles ne savent pas faire à bouffer. Ça. Alors déjà, il y a le fait de ne pas le savoir le faire, il y a le fait de ne pas vouloir le faire aussi. Hein. Oui, aussi. Alors, oui. Il y a un truc que vous omettez, c'est qu'elles ne savent peut-être pas repasser. Par contre, faire des gorges profondes dans les chiottes du lycée, elles savent faire. Alors, je sais pas. Alors, peut-être pas toutes, quand même, hein, faut pas non plus exagérer, mais c'est vrai que ça a tendance à se répandre. C'est des trucs dégueulasses comme ça, oui. Et bah, j'ai un pote à moi qui me raconte l'histoire d'un très bon ami à lui, qui était... je sais plus, il avait un rôle éducatif dans un collège, en fait. Je sais plus lequel c'était. Et en fait, le mec lui a dit qu'il était abasourdi parce que depuis 10 ans, il chopait de plus en plus de collégiens en train de se faire des actes sexuels les uns les autres dans les toilettes. Alors soit c'était des petits garçons qui étaient violés par leurs camarades en leur mettant des trucs dans l'anus, soit c'était des petites filles de 11-12 ans qui étaient en train de sucer des garçons dans les chiottes, quoi. Ouais. Et ouais, donc bon, mais ça, merci la pornographie, merci les juifs, voilà, quoi. Ouais, merci la mixité, hein. Non mais c'est relié, quoi. Et donc voilà, et alors du coup Marie Kondo, alors pour en revenir à Marie Kondo, donc ce livre est présent sur tous les étals. Bon, on a commenté l'article de presse qui, alors n'est pas frontalement, c'est pas une déclaration de guerre au sens strict, hein. Il y a pas, c'est inadmissible, etc. Mais on vous fait comprendre que bon, c'est ringard, c'est naze, c'est complètement à côté de sa plaque, c'est répétitif, c'est ennuyeux, bref, il n'y a rien qui va. Moi, c'est marrant, mais quand je pense à un truc répétitif et ennuyeux, je ne sais pas pourquoi, je pense juste à l'Holocauste. Toutes les émissions d'Arte, moi, je trouve ça répétitif et ennuyeux. Mais bon, visiblement pas au journal Le Monde, on dit que faire le ménage, c'est répétitif et ennuyeux. Alors, factuellement, concrètement, quand on le fait, c'est répétitif et ennuyeux, ça je veux bien le concevoir, quoi. Mais au moins c'est quelque chose de tangible que je peux toucher, quoi. Le ménage, je sais ce que c'est, quoi. Je veux dire, plier mes fringues, je sais ce que ça veut dire. Laver ses fringues, plier ses fringues, je sais ce que ça veut dire. Le loco, ça restera jamais qu'un truc, un concept un peu bizarre, dont je ne pourrai jamais toucher du bout du doigt quoi que ce soit, quoi. Bon, donc voilà, donc c'est un peu ésotérique comme formule. Ouais, mais je veux dire, sur le fait que ce soit maintenant présent sur tous les étals, alors est-ce que ça traduit pas un petit truc quand même? Oui, ils vont pas mettre des bouquins partout s'il n'y a pas quelque chose. Bah oui, effectivement, si ça se vend, c'est qu'il y a un besoin. Parce que c'est tout simplement le marché, la loi de l'offre et de la demande, quoi. Mais il y a un truc aussi à dire, c'est que. Que ça soit dans les magazines pour hommes, pour femmes, tu sais, les trucs de lifestyle, les trucs de conseils, machin, Madame, Marie-Claire ou FHM et tout ça, on essaie toujours de nous vendre le top du top. Donc, par exemple, on va te foutre des nanas qui sont statistiquement des nanas qui font partie des 1% ou des 5% les plus belles du monde, tu vois. On va te faire rêver là-dessus. Pareil pour les femmes, on va leur faire voir des mecs qui sont statistiquement quasi introuvables dans la population, quoi. Et puis on va toujours faire monter les expectations, les attentes des gens. Et ça rejoint ce que tu dis sur le fait que faire le ménage c'est chiant. Ouais, mais en fait le truc c'est que la vie c'est pas un roman, quoi. C'est-à-dire que la vie c'est pas. Alors il y a des gens qui trouvent des gens très intelligents, très beaux, très fortunés. Il y a des gens qui vivent dans des sphères, d'accord, ok. Mais pour la majeure partie de la population terrestre, en fait, la vie c'est quand même relativement médiocre. C'est-à-dire que on se lève le matin, on déjeune, on s'habille, on se douche, on fait caca, on rencontre des gens, on va travailler. C'est répétitif, la vie est répétitive. Et c'est ça aussi contre quoi ces gens-là s'insurgent. C'est-à-dire que ces gens-là voudraient pouvoir vivre comme dans un film, quoi. Avoir une vie trépidante à chaque instant. Mais en fait, la vie, c'est pas ça. Et je fais une petite digression, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai constaté. C'est-à-dire que personnellement, moi, quand je regarde des films de guerre, des films d'aventure, des films d'action, je me sens un petit peu. Je me sens pas amoindri, mais je me dis merde, c'est pas ça ma vie. Et alors qu'en fait, on peut vouloir de l'action, on peut vouloir vivre des choses hyper intenses, mais il faut pas perdre de vue que les films, les romans ne capturent que les moments intenses dans la vie du protagoniste à un instant T, quoi. Alors que nous, nos vies réelles, on peut vivre des choses très intenses, et j'en ai vécu, mais on a aussi à côté. On doit gérer justement la répétition d'actes banals mais nécessaires, notamment le ménage, la cuisine et tout ce qui fait qu'une vie est bien cadrée et correcte, quoi. Très juste, hein, très juste ce que tu viens de dire. Très juste. Qui d'autre sur le sujet ? Moi, en fait, c'est sur l'énergie sexuelle. Des jeunes enfants, c'est très important en fait, enfin des adolescents plutôt. Oui. C'est que quand tu as les. En fait, les garçons ont en eux l'esprit de compétitivité. C'est comme ça, il suffit de les observer dans une cour de récréation, sur un terrain de foot, ou peu importe. C'est la bataille, c'est la bagarre, c'est qui essaie d'être le meilleur, qui essaie d'être le premier. Et en parallèle de ça, tu as une camaraderie masculine, parce qu'évidemment, on n'est pas totalement dénué d'empathie, et on aime s'apprécier entre nous. Et ça, cet esprit de compétitivité associé à cet esprit de camaraderie, c'est ce qui a été détruit avec l'école mixte. Parce que, globalement, les petits garçons, on les pousse non pas à être de bons élèves en maths, de bons élèves en ce que tu veux, on les pousse juste à être de bons petits garçons dociles qui font là où leur maman leur dit de faire. Et ce que les féministes veulent détruire, c'est ça. Cet esprit de compétitivité et de camaraderie, je pense que ça, c'est ce qui leur déplaît, parce que forcément, dans la compétition, dans tous les domaines de la compétition, les hommes sont meilleurs que les femmes, c'est comme ça. C'est un truc qui n'a rien à voir, mais quand tu regardes, je crois que la meilleure femme joueuse d'échecs, elle doit être classée 97e au concours, enfin au classement Elo. Tu vois, c'est pareil pour le tennis. Tu vois, il y a un joueur de tennis qui, je crois, est quasiment le 200e mondial, qui a voulu défier les grosses négresses Serena et Venus Williams, il les a battus à plate couture toutes les deux. C'est comme ça. Les hommes, la compétition, ils aiment ça. C'est con. Hein, des fois, ça les pousse à des extrémités qui les conduit à la mort ou au champ de bataille. Mais c'est comme ça. Les hommes sont comme ça. Ils ont cette compétition en eux. Et tu pourras rien faire pour les empêcher de se mesurer entre eux. C'est comme ça. Tu veux dire qu'en fait, ça tue l'instinct masculin, en fait. Bien sûr, non, mais je pense que l'éducation mixte tue l'instinct masculin et d'une certaine façon, le pousse à sa plus mauvaise extrémité. Parce que, bon, c'est des théories un peu freudiennes, un peu des théories de psychanalystes, mais quelque part, c'est vrai, en fait, le monde, la civilisation, c'est une énergie sexuelle, une libido qui est repoussée dans le temps pour construire autre chose que de la branlette et du plaisir immédiat. C'est du plaisir différé sur un temps très très long, avec des actes de répétition, avec un contrôle de soi, dans le temps. Et les femmes, je pense, ont une capacité de jouissance qui est supérieure à celle des hommes. Donc en fait, si tu veux, la décharge, la branlette, comme quand on se baffre, si tu veux, c'est du plaisir immédiat, c'est pas du plaisir différé, et c'est ce qui est totalement anti-civilisationnel. Il faudrait apprendre aux petits garçons ce qu'est le plaisir différé, ce qu'est le goût de l'effort, et qu'il faut leur dire, bah voilà quoi, il faut que tu bosses, il faut que tu sois compétitif, et une fois que tu auras tout ça, à partir de ce moment-là, tu pourras avoir le repos du guerrier. C'est bien exprimé, je rejoins. Qui d'autre ? Ben, je vais rebondir sur ce que dit Magda. Ouais. Il y a aussi quelque chose qui est très, très, très nocif pour les hommes, et ce sont les familles monoparentales. Parce que, comme vous le savez tous, dans l'Occident, ce sont les femmes qui, à 90%, récupèrent la garde des gosses. Et une femme, mère... Je veux juste pointer les responsabilités, c'est à cause de l'hyper-féminisation de la magistrature. Aujourd'hui, on est pratiquement à 80% de femmes magistrates en France. Je tenais quand même à le rappeler. Je te remercie pour la précision, mais qui a toute son importance. Et donc, de facto, lorsque tu es un petit garçon et que tu as... que tu es élevé par des femmes. Eh bien, je vous dis que c'est quelque chose qui est assez visible chez beaucoup de gens que je connais. C'est qu'on n'est pas autant masculin que quelqu'un qui aurait eu un père à prendre comme exemple. Parce que non seulement les exemples, quand ils ne sont pas proches, eh bien, il faut s'en trouver des substituts. Et selon les substituts, ça peut plus ou moins bien tourner pour les personnes. Mais en plus, on n'a pas cette vision de ce qu'est un homme au jour le jour. Et donc, on se construit un petit peu comme ces enfants qui sont dans les écoles mixtes, en fait. Donc ça fait aussi partie du problème. C'est juste. Qui d'autre là-dessus? Ou sur autre chose? Non? En tout cas, est-ce qu'on inviterait... les femmes à acquérir le livre de Marie Kondo? Oui. Est-ce qu'on inviterait nos camarades s'ils ont un cadeau à offrir à leurs épouses ou à leurs compagnes? Leurs compagnes, hein, voilà, c'est la Saint-Valentin approche, dans moins d'un mois. Vous savez quoi guerre faire. Guerre civile en prévision, voilà, c'est ça, oui. À moins qu'on fasse ce que propose Andrew Unglin et qu'on invite tous les hommes qui écoutent cette émission à dire à leurs amis et à de voir l'émission de Marie Kondo. Oui. Et peut-être que là, ils ont envie de gifler leur femme et de la mettre au ménage. Alors, faites plaisir à votre femme, achetez-lui un aspirateur, un tablier. Mais par contre, il y a un truc qu'on n'a pas souligné, je veux quand même le dire. C'est Marie Kondo dans son truc. Alors, c'est japonais, hein. Mais c'est de l'animisme. C'est de l'animisme. Alors, du coup, peut-être que ça parlera aux païens. Du coup, peut-être, je ne sais pas, un appel désespéré aux païens. Comment dirais-je ? C'est le fait que les objets sont vivants. Et que dans son approche du ménage, c'est pas juste, voilà, il faut que ça soit propre. Il y a aussi l'idée de faire en sorte que les objets soient en harmonie les uns avec les autres parce qu'ils ont un esprit propre. Voilà, donc ça c'est de l'animisme, d'accord. Je demande pas aux gens de souscrire à l'animisme, mais je précise quand même la nature de la démarche et qu'il y a une recherche de l'harmonie, non seulement pour soi, mais aussi avec les objets, en disant qu'en fait ces objets ont un esprit. Alors c'est bizarre parce qu'en latin on dit animé pour, hein, vous savez, comment dirais-je, anima pour les animaux. C'est-à-dire qu'ils sont animés, ils ont une âme. Mais chez les animistes, notamment japonais, enfin les animistes en général, quoi. Non, il n'y a pas que les, mammifères ou que les insectes, ça, qui sont dotés de vie au sens strict. C'est aussi le cas de tout ce qui nous entoure. Hein. Et donc il y a cette idée-là d'être en harmonie avec son milieu, hein, milieu minéral, milieu végétal, milieu comment dirais-je, vivant, et donc de faire un effort envers lui pour qu'il nous rende de l'énergie positive. Alors évidemment, c'est un autre continent au plan spirituel par rapport à ce à quoi on est habitué, mais on ne peut pas réduire non plus la démarche de cette femme à exclusivement une sorte de discipline ménagère. Hein. C'est un petit peu plus que ça. Je ne dis pas que c'est du très haut niveau spirituel, c'est pas ce que je suis en train de raconter. Hein. Mais si vous voulez, c'est une espèce de zen appliqué à la maison, quoi, si vous voulez, ou du feng shui, vous voulez, un peu dans ce goût-là, si vous voulez. Donc il y a un petit peu autre chose derrière, mais c'est présenté au public en disant, voilà, essayez de vous rendre heureux en vivant dans un endroit en harmonie autour de vous, quoi. Mais ce qui est du bon sens pur, enfin, tout le monde le comprend, quoi. Je veux dire, quand on vit dans le bordel, on est stressé. Quand on en vit dans un endroit en ordre... On peut être stressé aussi, mais pour d'autres raisons, mais il y a quand même un moyen de relaxer un peu plus, quoi. On aime plutôt vivre dans quelque chose de bien ordonné que dans quelque chose de bordélique. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, s'il n'y a pas besoin non plus là d'être un génie pour le comprendre. Voilà. Donc je voulais simplement préciser là-dessus. Voilà. J'ai rien à... Non ? Quelqu'un d'autre ? Question ? Est-ce que je suis seul ici à avoir déjà eu envie d'étrangler une féministe avec un slip sale ? Qu'elle n'aurait pas lavé, donc ? Probablement. Ah, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Tu as des rêves bizarres, Forruc. Non, c'est pas un rêve, c'est plutôt un programme, non ? T'as écrit ça sur papier, je crois. Oui, j'avais posté sur Facebook, ça avait eu un certain succès. Forruc Manifesto. Voilà. Et n'oublie pas que vous l'avez le pénis. Ah oui. Et tout à fait. Oui. Marie Kondo n'a rien compris. Il faut écouter Jordan Peterson. Il dit que voilà, le problème c'est que les jeunes hommes sont pas assez ordonnés. Hein. Ils se lavent pas assez la bite. Voilà. Non mais c'est, je ne sais pas à quel point c'est vrai ou c'est faux ça. Je sais pas. Ça doit être quand même pas mal du même. Mais après bon, je sais qu'il déjà, en tout cas par rapport à ce point-là, je sais qu'il appelle pas mal les gens à ranger leur chambre. Si vous ne vous lavez pas l'engin tous les jours, excusez-moi, vous êtes un dégueulasse. Hein. Je vous le dis tout de suite, d'emblée. Hein. Enfin, pas que l'engin. Ah, mais tout le reste. Non, mais tout. Mais en plus l'engin, je veux dire. Non, là c'est criminel. Hein. Vous pouvez pas faire ça. Hein. Non, devenez un homme. Lavez-vous ce qu'il faut. Hein. Jordan Peterson est quand même assez mal placé pour parler, sachant que. Sa fille est une ancienne grosse qui est devenue anorexique maintenant, qui fait des espèces de régimes bizarres sur Internet, qui se met en avant et qui se photographie comme une pute alors qu'il y a son enfant derrière. Quoi. Est-il marron, son enfant ? Non, je suis surpris. Les choses arrivent. Alors, ça fait bizarre de terminer une émission sur une histoire comme ça, mais bon. On pourrait... Hein mais... Sinon on peut parler du tabouret humain aussi. Non, on va s'épargner cette... Non. Mais on a parlé rangement et on a dit... Alors du coup, juste un petit tour de table très rapide pour se séparer. Et après tout, on est encore à la mi-janvier un petit peu plus, mais pour la bonne année, qu'est-ce que on vous voulait souhaiter aux femmes pour cette année Allez, soyons fous. Je vais commencer avec Derek. Derek. Aux femmes, Ouais, alors qu'elles arrêtent de fumer et qu'elles fassent à manger. Fulbert. Qu'elles me foutent la paix. Popopoporovitch. Je vais être gentil. Je vais leur souhaiter des gosses, plein de gosses. Ah, bien ça. Léon. Qu'elles renouent avec leur nature. Ah, c'est bien formulé ça. Captain ? Qu'elle se prépare à l'application de la White Sharia imminente. Magdav. Je leur souhaite tout le bonheur du monde au bras d'un gentil nazi. Ah, bah c'est bien ça. Allez, à la semaine prochaine les amis. J'espère que vous aurez passé une bonne émission. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À plus. À plus. Au revoir.